Avec elle, c'est le marathon. Avec elle, pas de baratin. Bang, bang, bang. Si tu traînes dans un baratin. Mamma fiosa, mamma fiosa. Assim você me mata. Et voilà que je parle en portugais. Mon amour commence à se mesurer. Elle me rend fou, je suis torturé. Je pense que la suite sera censurée. Eu tô bem. Ouais, ce soir on est 50. Eu tô bem. C'est elle qui nettoie mes armes. C'est à deux qu'on fait le ménage. Samba, samba, samba. La concurrence est affolée. Je suis à la radio, je suis à la télé. Dans le carré, vie pour RDV. En train de tout casser. On est 50 motherfuckers. Ouais, ce soir on est 50. Et on est 50 motherfuckers. Ouais, ce soir on est 50. Et toi, bien. Cassie, oui. Ça va ma belle, c'est Coé à l'appareil, ta maman elle a gagné donc toi aussi 10 000 euros ma chérie. Trop cool. Alors cette journée, pas ouf hein. T'inquiète, c'est Coé, ça commence maintenant, le before. Vous êtes prêts? Oui. Alors, c'est parti, 17h-20h sur Énergie. Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Merci, j'espère que vous avez passé un très bon week-end. 17h-20h, nouvelle semaine, j'ai passé un bon week-end. Je n'ai pensé qu'à une chose, c'était vous retrouver. Je suis heureux de tout ce qu'on fait en ce moment. Je vous le dis, je le dis à toute l'équipe, je le dis à tous les auditeurs. Merci pour vos gentils messages. J'ai lu plein de messages sur mon Insta, sur mon Twitter, sur le compte Facebook et officiel. Merci pour tous vos gentils messages. Merci, merci, merci. C'est vrai que t'es heureux en ce moment. Oui, mais oui, il est très heureux. Mais je suis heureux, on va reprendre le One Man, l'émission. Ça fait que 15 jours qu'on est là. Je sais que je vois passer des messages, des gens qui disent alors ça marche, ça cartonne. Je dis, calmez-vous. Les audiences radio, c'est un peu en décalage, on le sait et tout. Mais en tout cas, nous, on démarre et je le sens bien. Je sens un truc, c'est que cette semaine va être magique. Demain, oui. David Guetta avec nous. Alors, j'ai déjà vu passer des messages. Ouais, c'est enregistré, c'est fait de Los Angeles. Non, il sera chez nous en et public oui. Demain, dès même 18h45 exactement. C'est ça. J'ai l'horaire. Mercredi, VG Dream. Oui. Ramenez la coupe à la maison. Allez, j'ai décidé de chanter, je mets pas les morceaux, je chante. T'as raison. Vendredi, jeudi, c'est Kenji. Oh Maria, Maria. Oui. Voilà. Donc. C'est plus succinct sur Kenji. Oui, mais on va passer un très bon moment avec lui. Et vendredi, surprise. Voilà. Que j'ai pas le droit de dire ce que c'est. Voilà. Que t'as déjà dit. Faudra peut-être que je le dise un jour quand on même attend, qui vient. On attend l'accord. Ah, non, tu et tu l'as dit la semaine dernière. Bah, ouais. Oui, mais il paraît que j'ai plus le droit de le dire. Ah bon, ah, voilà. Mais Bordas l'a dit sur ses réseaux. Ouais, mais il paraît que je peux plus le dire. Il paraît qu'on l'a dit, mais je peux plus le dire. C'est une voilà. Surprise, on va dire. Abordas a communiqué tout le week-end. Tu l'as dit tout le week-end. Mec, il est bête. Mon Dieu, qu'il est bête. Je pensais comment. Mon Dieu, qu'il est bête. Ah, mais fallait pas lui dire. Il était mon Dieu. Tu l'as dit deux fois. Mon Dieu, poteau. Va. Bon, en attendant, dans l'émission, nous parlons des champions du monde de l'actu dans un instant. Nous reviendrons sur la télévision. Vous n'avez pas regardé trop, mais Miko a pas mal regardé ce week-end la télé. Est-ce qu'il faut en sortir le cache-cache? Je mets deux enveloppes à 10 000. Oh oui. Je mets deux enveloppes à 10 000. Je suis un dingue. Toi, t'es heureux. Oh, je suis dingue. Deux enveloppes, c'est pas mon pognon. carte. Deux, mais deux enveloppes. Deux enveloppes à 10 000. J'espère, je croise les doigts pour que vous les gagniez. Le mec de la compta croise les doigts pour que vous les gagniez pas. Je mets deux enveloppes à 10 000 aujourd'hui. Une de. Qu'est-ce qu'il y en a? Une de 100, une de 500, une de 5, une de 200. Vous trouvez la bonne personne, inscrivez-vous 7, 10, 12 en mettant Koé au début de votre message et vous gagnerez peut-être, je dis bien peut-être, les 10 000 euros, c'est tout ce que je vous souhaite. Sinon, il y a de l'argent. La compile de l'équipe de France qui a joué. Nous aurons le dossier ce soir en hommage au fils de Stouff qui n'a pas trouvé de copain à la rentrée scolaire. Je ne l'ai pas à pied encore. Le dossier de ce soir, on l'appellera ce soir. 0870 70 42 48. Racontez-nous si vous êtes du genre à ne pas avoir eu de copain à l'école, à ne pas en avoir si vous êtes jeune, ou même si dans votre vie au bureau où vous nous écoutez dans la voiture, vous n'avez pas d'amis. Ah ouais. Il y a des gens qui n'ont pas d'amis, ils sont pas malheureux forcément pour autant. Non, c'est vrai. Mais ils n'ont pas d'amis. On écoutera Drake dans l'émission. Il y aura Tiesto tout à l'heure. Il y aura Big Flo Yoli, j'adore, je ne m'en lasse pas. Hein ? Ce soir, tu dois. Ouais, on va danser. Bien sûr. La nuit fait quoi ? Et ça faisait au moins pas longtemps qu'on l'avait pas entendu, mais ça nous fait plaisir. La la la la la. La. Ciao. J'ai envie de chanter aujourd'hui. J'ai envie de chanter. Et avant les champions du monde de l'actu, vous savez quoi? Je vais présenter l'équipe parce que je ne l'ai pas encore fait. Ah oui, c'est vrai. Mais il y a une chanson que j'adore, c'est le groupe 3 Cafés Gourmands. Oui. Ils m'ont envoyé un petit message sur mon Insta la dernière fois, juste avant de monter sur scène. J'ai envie de présenter l'équipe comme ça. Okay. Café Gourmand. Mais à la cool, hein. On est entre nous, hein. On le fait comme ça tranquillement. Hein. D'accord. Okay. J'essaie de faire un petit truc pour vous présenter, c'est lundi. Ok. Laissez-moi vous présenter mon équipe préférée. Ils sont pas très malins, mais je les aime bien. Comment vous les décrire? Certains me font pas rire. Assez tergiversé, je vais tout vous raconter. D'abord il y a Bichette, qui a une drôle de tête. Des cheveux au vitriol, mais c'est bien mieux qu'une coupe au bol. C'est le réalisateur qui fait trois pains par heure, des intros non calées et des jingles sous-mixés. À côté, il y a Miko, lui c'est notre gosbo. Il est célibataire et faut pas parler de sa mère. Une fois j'ai essayé, il a pas trop kiffé. Je lui ai parlé de sa sœur, il a fait un arrêt du cœur. De l'autre côté, y a Stouff, la productrice si douce. Mais faut pas la faire chier, sinon elle peut se transformer. C'est la touche féminine, sexy et puis féline. Plus balèze qu'Albator, on l'appelle Stouffy Raptor. Et y a aussi Jeff, qui se prend pour top chef. Toute la journée, il dîne et dévalise la cantine. Dans le coin, il y a Bordas, le responsable des Tanas. Il gère les réseaux sociaux, mais sait même pas prendre une photo. Sans oublier Corentin, son nom ne vous dit rien. C'est vrai que c'est de la dôme, nous on préfère l'appeler Guy Claude. Faut pas oublier Pierre, c'est le mec de derrière. Fares fait applaudir et... Hey, comment il s'appelle? Le grand blond là-bas? Lucas? Ah bon, eh ben, y a lui aussi. Il y a aussi Psycho, le mec qui est dans mon dos, et le mec un peu chelou qui font des vidéos pour vous. Je sais que j'ai l'air con en chantant cette chanson. Je voulais vous présenter mon équipe de bras cassés. Si le soir vous déprimez, vous vous êtes fait virer, votre femme vous a largué ou dans les bouchons t'es bloqué, allume ta radio et écoute ton coco. Ça ira mieux après, même tes cheveux vont repousser. 17h-20h, c'est Koé sur Énergie. Est-ce que ça vous allait cette petite présentation? C'est vrai, c'est bien. Ça n'a pas fait avancer la chanson française, mais non, au moins, génial. C'était fait avec amour. Bienvenue, on est là jusqu'à 20h, je m'appelle Koé et je suis de retour sur Énergie. C'est Koé, c'est le Before sur Énergie. In my mind, in my head, this is sur Énergie. Et à 18h, on est en public. Venez avec nous, coépublic@energie.com pour être avec toute l'équipe et être avec nous et partager toutes les stars qui sont nos invités cette semaine. Et il y en aura beaucoup d'autres dans les semaines qui viennent. Samedi, je vous donne rendez-vous à Maubeuge. Oui, ça va être le NMT avec Kenji, entre autres, avec pas mal de gens. Ça va être énorme. Ouais. Je vais prendre plaisir, je vais mixer là-bas. J'ai regardé la météo, il va faire beau. Ouais. On va être bien. Je vous dis, en ce moment, tout va bien. On ne peut pas vous dire mieux, tout va bien. Voici les champions du monde de l'actu. Alors pour eux, tout ne va pas forcément très bien. Champion du monde numéro 1, c'est le club de foot des Girondins de Bordeaux qu'on embrasse, qui vient d'engager un joueur croate qui s'appelle Thomas Bazic. Voilà. Seulement, ils ont oublié de l'inscrire de la liste des joueurs sélectionnés pour l'UEFA. Ah merde. Donc ils ont acheté un joueur, Bazic, qui ne pourra pas jouer. C'est tout court quand même. Alors on a la réaction du patron des Girondins de Bordeaux, Nicolas de Taverneau, qui est aussi le PDG d'M6. Oui. Voilà, on l'a eu au téléphone très rapidement. Qu'est-ce que vous avez à dire, monsieur de Taverneau, au responsable chez vous qui a oublié d'inscrire le joueur sur la liste? Mais quel connard ce type. Vous avez raison. Deuxième info, alors là, celle-là, elle est horrible. Vous vous souvenez de la catastrophe de Gênes cet été, le pont de Gênes? C'est une catastrophe horrible. Vous prenez le pont et voilà, malheureusement, vous êtes sur la route et le pont s'effondre au moment où vous êtes dessus. Il y a eu des tas de victimes, etc. Et donc, la vie continue. Ils ont présenté le nouveau pont qui allait symboliser l'avenir, qui allait montrer que voilà, il y a eu cette catastrophe, mais il faut aller de l'avant. Donc, ils l'ont montré en maquette, papier. Okay. Ouais. Sauf que la maquette s'est effondrée. Mais non. Ça porte mal. Oh non. Quand ça veut pas. Ils ont pas de bol. C'est horrible. Donc, alors c'est qu'une maquette, c'est pas très grave, vous allez me dire, mais il y a un journaliste qui a demandé à l'architecte en quelle matière allait être fabriqué le nouveau pont. Entièrement fait avec des allumettes, 346 422 exactement. Allez, on a le temps pour un dernier. Ouais, vas-y. Allez, un dernier rapide. Elle, c'est ma championne du monde. Alors, elle, toute catégorie. Elle est policière au Texas. Tiens, puisqu'on est dans le même film, on va prendre un extrait du dîner de con. C'est une policière au Texas. Elle rentre chez elle. Elle voit un homme dans son appartement. Elle sort son arme. Bam! Elle le tue. Et voilà, t'as qu'à pas être chez moi. Ok. Sauf que problème, elle s'est trompée. Elle est à l'étage du dessus. Elle était pas chez elle. Elle était chez le voisin. Non, mais non! Elle a buté le voisin. Non. Et là, lui, on dit que s'est-il passé? Elle a déclaré. À la boulette. Ah oui, j'ai fait la boulette. Ah, c'est la boule. Bienvenue sur Énergie, on est là jusqu'à 20h. L'émission publique tout à l'heure, serait-ce le moment du Drake? Oui. Je rappelle qu'à 18h tout à l'heure, vous allez jouer, vous allez gagner des tas de cadeaux. Il y a des PS4 Pro à gagner. Et on va passer des coups de fil, toujours dans des magasins pour faire notre promo. Il y aura même un truc en plus tout à l'heure. Hein? Restez là. Trap, money, penny. This shit got me in my feelings. Gotta be real with it. Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you, and I'm down for you always. KB, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you, and I'm down for you always. Look, the new me is really still the real me. I swear you gotta feel me before they try and kill me. They gotta make some choices. They running out of options. Cause I've been going off and they don't know when to stop. And when you get to top and I see that you've been learning. And when I take you shopping, you spend it like you earned it. And when you popped off on your ex, he deserved it. I thought you would've won from the jump that confirmed it. Trap money, Benny. I buy you champagne, but you love some Henny. From the block like you Jenny. I know you special, girl, cause I know too many. Risha, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you, and I'm down for you always. JT, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you, and I'm down for you always. Bad bitches and we kissing in a wave, kissing, kissing in a wave, kissing, kissing in a wave. I need that black card in a cold to the safe, cold to the safe, cold, cold to the safe, safe. I show 'em how to network, but that Netflix and chill. What's your network? Cause I want you and I need you and I'm down for you always. And I'm down for you always. And I'm down for you, down for you, down for you always. C'est le plus fort sur Énergie. Je suis de retour avec toute l'équipe, nous sommes là. Bon courage si vous êtes en voiture, je sais que des fois ça roule mal. Pas évident, nous sommes là à partir de maintenant pour vous, soyez bien tous les jours jusqu'à 20h. Demain David Guetta sera avec nous. Le hashtag de ce soir il est simple, puisqu'on a décidé dans cette émission de filer un coup de main pour tous les enfants ou toutes les mamans qui nous écoutent, qui ont leurs copains, leurs fils qui n'ont pas de copains à l'école. Oui. Et je pense qu'il y en a plus qu'on le pense. Hein. Oui. Parce qu'on entend toujours souvent parler du gars qui fait ah, j'ai plein de copains, hein, puis j'ai des super bonnes notes à l'école. Et puis. Ouais, c'est énervant celui-là, il est énervant. Ouais. Celui qui réussit tout, il est agaçant celui-là. Ouais. Le faillot. Et puis il y a ceux qu'on entend moins, qui n'ont pas de copains à l'école, etc. Il y en a le fils de Stouff. Tout à l'heure, je l'appelle. D'accord. Je finis pas cette émission sans l'appeler. Et toi aussi, t'avais pas de copain. Mais oui, j'en suis regardé le métier. Encore maintenant, d'ailleurs. Encore maintenant, je. Arrête ! Oh, chou ! Mais pleure pas, non, pleure pas. C'est vrai que j'avais pas de copain quand j'étais là. Mais oui. Moi, j'ai eu le syndrome du. Hey, je peux jouer au foot avec vous ? Non. Bon. Ça tombe bien, j'aime pas le foot. Et depuis ce jour-là, je n'aime pas le foot. Nous aurons la compile des joueurs de l'équipe de France hier qui ont joué. On en reparlera tout à l'heure. Cette compile va vous amuser. Et le hashtag de ce soir : je kiffe mes potes, sauf quand. C'est et ça. Là, vous vous faites plaisir. Vous soyez jeune ou plus vieux, ça marche. Je kiffe mes potes, sauf quand. Jeff. Je kiffe mes potes, sauf quand ils me demandent de commander une pizza au resto pour pouvoir taper dedans. Ah ouais, non, hein, ça c'est horrible. Ça s'est passé ce midi ça, avec qui fait ça. Bah ce midi, tu vois, j'avais pas envie d'une pizza, mais il m'a dit prends une pizza. Il disait je vais prendre un truc. Non, elle est bien cette pizza. Ouais. Et bien, non, mais je vais plutôt. Ah, elle est bien cette pizza. Cette pizza. Il a pris la pizza. Mais voilà. C'est sa psychologie à lui. Mais c'est toi qui la prends, c'est pas lui qui reçoit. Il a pris de part. N'empêche, il a rien laissé, hein, pas un bout de champignon. C'est les mecs, ils ont récupéré l'assiette, ils l'ont rangée, mais alors directement. Même l'assiette, il a mangé. Ils ont dit bah vous avez rien servi là-dedans, elle est propre. T'arrêtes, tu l'as aidé. Il la nettoie et tout. Non, lui il la nettoie complètement. On s'occupera de ça dans un instant. Donc hashtag et vous tous au téléphone, racontez-nous que vous ayez eu, quand vous étiez petit, vous n'aviez pas de, ou même encore maintenant, vous n'avez pas d'amis. On peut vivre sans, vous nous dites ça. 0870 42 48. Et le hashtag de ce soir, je kiffe mes potes, sauf quand. Vous nous dites tout ça dans un instant, on sera de retour avec vous au téléphone. On aura le cache-cache. J'ai deux enveloppes à 10 000, 7, 10, 12 par SMS. Mettez que au début du message et c'est peut-être vous qui allez trouver la bonne enveloppe. Vous avez 50 000 raisons d'écouter Énergie en septembre. Et vous avez une chance de gagner 50 000 euros. Avec la playlist Suprême Énergie. La playlist Suprême Énergie, c'est Jane. Divaphone. Alvaro Soler. Eddie de Preto. Mais moi, je joue avec les David Guetta. Vous l'entendez, appelez Énergie 3937 et gagnez la somme folle de 50 000 euros. Ce week-end, ce sont les portes ouvertes Peugeot. Certains événements exceptionnels durent si peu de temps qu'il faut se dépêcher pour en profiter. Alors ne perdez pas une minute pour concrétiser votre envie de Peugeot avec une gamme au design racé, sans compromis sur les innovations technologiques. Ce week-end, pendant les portes ouvertes, Peugeot reprend votre véhicule jusqu'à 3600 euros en plus de sa valeur pour l'achat d'une Peugeot neuve. Découvrez les véhicules disponibles immédiatement sur peugeotwebstore.com. Conditions sur offre.peugeot.fr. À la MAE, nous protégeons chaque instant de la vie des enfants, à l'école et pendant toutes leurs activités. On croit souvent que la responsabilité civile suffit à protéger les enfants. C'est faux. Elle les protège lorsqu'ils causent un accident, mais jamais quand ils en sont victimes. L'assurance scolaire MAE protège tous les enfants, petits et grands, dès 11,90 euros par an. Adhérez vite sur MAE.fr. MAE, mon premier assureur. Détails des garanties dans la notice d'information sur MAE.fr. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année, catégorie produits frais. Allô patron, ils ont vraiment la grosse tête ici. Chez Lidl ? Comment ça ? Ah bah oui, le melon quoi. Ah oh, très drôle. Bah si on veut. Aujourd'hui et demain, ils font le melon charentais à 1,19€. Moins d'1,20€ le melon charentais chez Lidl. C'est ça, et origine France en plus. Et le goût, j'en parle même pas. M'en parle pas. Tu sais qu'on est mal là, oui ? Oui, on est très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. Catégorie 1, calibre 800-950, origine France. Téléchargez l'appli Énergie gratuite, sans abonnement, avec tous vos hits préférés. Énergie, hit music only. Être à son affaire, expression française qui signifie que peu importe ce que vous voulez sur la redoute, vous serez toujours gagnant. En ce moment, 40 euros de réduction immédiate tous les 100 euros d'achat sur une sélection de meubles et de déco. Ce canapé, ce lit, cette petite lampe. Et en plus, la livraison est gratuite toute l'année avec la Redoute et moi. Voir conditions sur laredoute.fr. Toyota. Et on se fait un ni oui ni non ? Ok. Et t'as changé de voiture ? Effectivement. Elle est silencieuse, hein ? C'est une hybride. Et l'offre était sans condition ? Sans condition. Du coup, t'as dit oui à l'hybride ? Bah oui. Perdu ? Bah non, j'ai même gagné 5 000 euros.

c'est pareil, mais avec toi dedans. 17h-20h, c'est Coé sur Énergie. Notre invité demain, David Guetta. Il sera en live avec nous et on va passer des bons moments. On a plein d'invités cette semaine, mercredi. Le titre que dès que vous l'entendez, ça vous pourrit la tête pendant au moins deux jours. VG Dream, ce sera mercredi. Kenji, c'est joli. Vendredi, les Black Eyed Peas seront nos invités aussi. Quoi Ah bah tu viens de le dire. Ah la boulette. Ah oui, j'ai fait la boulette. Tu vois mes yeux là? Je suis désolé. Mon Stouffy Raptor. Attends, donnez-lui à manger. Détournez-la avec des lumières. Mettez des flambeaux devant et courez dans l'autre sens. Sinon, elle va me manger. Je suis désolé. Boulette, il s'excuse. Attends, je vais faire mes marères. À trois, vous aurez oublié tout ce que je viens de dire là. À trois, j'ai pas dit qu'il vient vendredi. Un, deux, trois. Hop là. Donc ça va Stouff? Moi aussi ça va. Tout à l'heure je vous offrirai, j'espère, 10 000 euros dans un instant avec le cash-cash. Il y a deux enveloppes que j'ai mis à l'intérieur, 7, 10, 12 par SMS. Mettez Coé au début de votre message, envoyez des SMS, c'est très important. Et si je vous appelle tout à l'heure, trouvez la bonne personne, trouvez la bonne enveloppe et gagnez jusqu'à 10 000 euros. Monsieur Bordas, oui. Avec le hashtag je kiffe mes potes sauf quand, qu'est-ce qu'on a par exemple vite? On a Isabelle qui nous dit je kiffe mes potes sauf quand ils sont bourrés en boîte et que j'essaie de négocier avec le videur pour rentrer. Oh, ouais, ça c'est vrai. Non, mais ils se tiennent bien. Là, faut que le gars il essaie de se tenir droit. Tu sais. Y a rien de pire que quelqu'un qui a bu, qui essaie d'être normal. Ouais, oui. Rien ne va. Tu sais, t'as un œil qui part par là, l'autre qui part par là. Bonsoir. Oui, même quand tu parles. Comment entendez-vous? Il manque des consonnes. Oui, ou t'en rajoutes. Bonsoir. Crava. Et voilà. Un dernier. Il y a Margot qui nous dit je kiffe mes potes sauf quand ils m'attendent pas pour aller à la cantine. Ah oui, c'est vrai. Ça, c'est pas gentil. Bah, en même temps, si Jeff, tu es tout le temps. Donc, bon, on fait un bisou à Valérie qui habite Narbonne. Alors, attention, on parlait aujourd'hui de ceux qui n'ont pas de copains à l'école ou ceux qui n'ont pas de copains tout court dans leur vie. Donc, il nous faut des adultes, on veut des mamans de petits, voire même peut-être des jeunes qui, tout à l'heure, nous diront s'ils sont tout seuls, toujours dans la cour. Ça va être la tristesse. Valérie. Salut Coé, salut tout le monde. Comment ça va ma chérie? Salut. Tu es en forme? Bah moi ça va, ouais, un petit peu inquiète pour mon loulou, non? Pourquoi? Parce qu'il a 5 ans, il est en grande section, il passe beaucoup beaucoup de temps tout seul, isolé. Et c'est vrai que je me fais pas mal de soucis parce que bah il a pas de copain quoi. Ouais. Il joue tout seul et je me demande si moi je dois intervenir, est-ce que je dois essayer de essayer de faire en sorte que les autres l'aiment bien, les invitent. En les dégoûtant, en leur offrant des bonbons, je sais pas. En les payant, essaye de t'arriver avec des billets de 5 euros puis tu distribues comme ça. Mais est-ce que par exemple vous venez d'arriver dans l'école? Il est tout nouveau, comment ça se passe? Non, il n'est pas nouveau, mais c'est vrai que cette année en particulier, le comportement a changé. Alors lui, les autres, je ne sais pas, mais voilà, il est particulièrement seul cette année. C'est vrai que c'est pas facile. C'est pour maman, enfin pour moi en tout cas, c'est assez compliqué. Ça y est, attention, nous avons. Discussion entre maman, je vous laisse 30 secondes. Je pense qu'en maternelle, il faut aller voir la maîtresse ou la TSEM. Je leur en ai parlé et apparemment ça vient aussi de lui, il a tendance à un petit peu s'isoler tout seul, mais bon, dès qu'il essaie d'intégrer le groupe, il est rejeté, alors moi je sais pas, je passe pas une journée avec lui, c'est vrai que c'est compliqué quoi. Alors quoi faire? Mince, on n'a pas bossé le dossier. Quoi faire? Il y a un truc qui marche bien, c'est que la maman. Voilà, le goûter à la maison. Ou la maman qui organise. C'est dans une petite ville, Narbonne, c'est ça? C'est à côté de Narbonne? Oui, c'est à Narbonne même. Le mercredi après-midi, le petit mercredi après-midi, t'invites les copains à la maison. Si j'avais songé, mais je me dis, est-ce que c'est pas un peu forcer les choses? C'est peut-être que le problème, il est quand même ailleurs. Non, tu forces pas en les invitant à manger, à un goûter, tu fais des gâteaux. Tu vois, si jamais tu dis venez, là tu les forces. Il sera servi par moi-même un petit peu le comportement de chacun, essayer de comprendre. Ouais, il sera chez lui dans son environnement, donc il sera plus à l'aise forcément. On lui fait un petit bisou. Comment il s'appelle? Il s'appelle Evan. Bon, on fait un gros bisou à Evan. D'accord, tu l'embrasses pour nous. Mais je crois que le goûter, c'est bien. Oui. Ça, c'est une bonne idée. Oui, je vais tenter, je vous dirai. Voilà, ne donne pas la date, sinon Jeff vient. Je t'embrasse. Ça marche. Gros bisou, ma belle, je t'embrasse fort. Et puis, tant qu'on parle d'école, la règle Mbappé, vous avez vu cette histoire? Oui, on l'a vu. Ouais. C'est génial. C'est une prof qui a fait ça, je trouve ça génial. La règle Mbappé, pour dire que tu mets pas un N, mais un M avant le B ou le P. Ok. Bah donc le M, bas, P, un M avant le B ou le P. Mnémotechnique. La règle Mbappé, c'est génial. J'ai compris. Voilà, il y a aussi la règle Joule, et là vous pouvez écrire comme vous voulez. Là, il n'y a pas de souci. CCDS. C'est comme que vous voulez, c'est comme vous qui voyez. Ouais. Là, la règle du là, moins de soucis. C'est qu'est-ce qu'il dit, lui? Merci d'être avec nous. On est sur Énergie. Peut-être 10 000 euros dans un instant pour vous. Sur la viril, mon kid, je ne veux voir aucune larme glisser sur cette gueule héroïque et ce corps tout sculpté pour atteindre des sommets fantastiques que seule une rêverie pourrait surpasser. Tu seras viril, mon kid, je ne veux voir aucune once féminine, ni des airs, ni des gestes qui veulent dire, et je sais si ce sont tout de même les pires à venir te castrer pour quelques vocalistes. Tu seras viril, mon kid, loin de toi ces finesses tactiques de ces femmes d'origine qui féminisent, groguisent sous prétexte texte d'être le messie fidèle de ce fier modèle archaïque. Tu seras viril, mon kid, tu tiendras dans tes mains l'héritage iconique d'Apollon, et comme tous les garçons tu courras de ballon en champion et deviendras mon petit héros historique. Viril, mon kid, je veux voir ton teint pâle se noircir de bagarre et forger ton mental pour qu'aucune de ces dames te dirige vers de contrées roses néfastes pour de glorieux gaillards. Tu seras viril, mon kid, tu hisseras ta puissance masculine pour contrer cette essence sensible que ta mère nous balance en famille. Elle fatigue ton invulnérable Achille. Tu seras viril, mon kid, tu compteras tes billets d'abondance qui fleurissent sous tes pieds que tu ne croiseras jamais. Tu cracheras sans manière en tous sens des fils à fer et dopé de chair de nerfs protéinés. Tu seras viril, mon kid, tu brilleras par ta force physique, ton allure dominante, ta posture de caïd et ton sexe triomphant pour mépriser les faibles. Tu jouiras de ta rude étincelle. Mais moi, je ne prône pas mon chibre. Mais moi, j'accélérerai tes rides pour que tes propos cessent et disparaissent. Mais moi, je joue avec les filles. Mais moi, je ne prône pas mon chibre. Mais moi, j'accélérerai tes rides pour que tes propos cessent et disparaissent. C'est Coé, c'est le Bifort sur Énergie. Est-ce que vous êtes prêts? J'ai maintenant peut-être, peut-être 10 000 euros à vous offrir si vous me trouvez la bonne enveloppe. J'ai réparti dans les poches de chacun et on joue le jeu. Hein. On ne sait pas, personne ne regarde avant d'ailleurs. Non, c'est ça qui est drôle. Pas une seule fois depuis le début de ce jeu, et là je vais vous dire bravo, vous avez essayé de regarder avant. Mais on ne peut pas. Elle est fermée l'enveloppe. Non, vous pouvez. Non, vous pourriez tricher, mais vous décidez. Non, vous décidez, mais pas. Et c'est là où vous êtes très honnête. Et je, bien sûr. Et je vous aime. Je ne vous échangerai contre rien au monde. Ah bah c'est mignon ça. Ou alors un Twix parce que j'ai faim. S'il y avait un Twix, je vous échange toute l'équipe contre un Twix. Essayez de dealer ça à la machine. Je suis pas sûr que ça marche. Mais... En attendant, il y a une enveloppe de 500 euros, une de 10 000, une de 100, une autre de 10 000, ce qui nous en fait deux. Une de 5 euros. Ouais, terrible celle-là. Et une de 200 euros. On y va, c'est parti. J'appelle quelqu'un. Ça s'appelle, je vois marqué Justine sur mon écran. Oh, j'adore ce jeu, j'adore ce jeu. Allô, Justine ? Oui ? Bonjour, je m'appelle Coé, on est sur Énergie. Comment ça va, Justine ? Ah, ça va super bien, Coé ! Ah là là, mais quel bonheur, mais quel bonheur ! Oh, génial ! Qu'est-ce que tu fais dans la vie, ma petite Justine ? Je suis puéricultrice. D'accord, tu... Ah ! Ah, Alléluia ! Attends, tu vas nous aider, parce qu'on a eu une... on parlait aujourd'hui des enfants qui n'ont pas de copains. Alors, un enfant qui n'a pas de copains, il faut qu'il fasse quoi pour en avoir ? Bah c'était tout petit, moi, ils jouent tous ensemble, ils c'est ont aucun bébés. A priori. Ah ouais, c'est vrai, ils sont pas chiants, c'est vrai que bah c'est pas... Bah ouais, ils s'aiment tous naturellement, ou ils se tapent dessus quand ils sont pas d'accord. Ouais, voilà. C'est tout ou rien. C'est vrai qu'en crèche, voilà. Généralement, ça n'a pas de limite. C'est tiens, prends, tu veux le bateau ou pas le... Attention, ouais. Concentre-toi maintenant, on arrête de parler boulot. Tu me choisis la bonne personne, soit Stouff, soit Jeff, soit Bichette, notre réalisateur Bordas qui nous fait les réseaux sociaux et qui est très fier de dire qu'on est numéro 1 TT France, wow. Avec notre hashtag, soit Miko, soit moi-même, nous avons tous une enveloppe, trouve la bonne enveloppe, il y a de l'argent à l'intérieur, de 5 euros à 10 000 euros. Alors, je vous adore tous, mais là, je vais faire le gros kiff. Coé, c'est toi? Oui, je suis là, oui. Bah ouais. C'est un gros kiff. Voilà. On m'a surnommé comme ça, à un moment donné, le gros kiff. Mais non, c'est parce que je peux pas faire autrement. J'ouvre l'endroit. Mais c'est, alors, jusque-là, je vais être honnête avec vous. Ouais. Tous les gens qui m'ont choisi, ça n'a pas été. Non, ça leur a pas porté bonheur. On sait jamais. Oui, d'accord. Si. Sauf une fois. Pour les 10 000. Merci, Bordas, pour cette information. Attention. Oh là là. Oh, je suis trop contente de vous avoir. Ça fait un plaisir fou. Elle est adorable. Ah ouais, mais il faut que je la. Tu te moques, toi? Non, je n'oserais pas. Bah, si, t'as fait. Mais j'aime bien son rire. Sors. Mais non, je veux savoir combien elle gagne. Sors vraiment. Tu sors ou je te sors? Sors. De toute façon, le tweet est en route. Quelqu'un, donc tu sors. J'ai le montant. Ah, alors? Pas 10 000. Aïe. Aïe. Non. Pas 5. Je pense que ça va lui faire du bien à la fin du mois. D'accord. Ma petite Justine, tu as gagné 500 euros, Justine. Oh, oh, ça va te faire du bien, 500 euros qui arrivent chez toi. Oh là là là là là là là là, c'est génial. Je t'embrasse fort, gros bisous ma belle. Ah, moi aussi, je vous embrasse tous très, à bientôt, très fort. Embrasse les enfants un par un, méfie-toi, ils ont le nez qui coule, gros bisous. Ouais, bah c'est ça, bisous. Ma belle, je t'embrasse. Oh, c'est beau ce mix. C'est génial ce son qui est parti d'un coup. Tu me demandes de l'envoyer au moment où tu t'es. Va en stage avec Jeff dans le couloir. Vas-y. Allez tous prendre l'air, ça va vous faire du bien. Voici Tiesto. Merci d'être avec nous sur Énergie. She said she too young, don't want no man. So she gon' call her friends, and that's a plan. I just saw the sushi from Japan. Now your bitch wanna kick in Jackie Chan. Drop top, how we rolling now, don't call it South Beach. Yeah, look like Kelly rolling, this might be my destiny. She want me to eat it, I guess then it's on me. I got you, know I got the sauce like a fucking recipe. She just wanna do it for the grand. You know you. She just want this money in my hand. I know you. I'ma give it to her when she dance, dance, dance. Ay. She gon' catch a Uber out the Calabasas. She said she too young, don't want no man. So she gon' call her friends, now that's a plan. I just ordered sushi from Japan. Now yo bitch wanna kick it, Jackie Chan. She said she too young, don't want no man. So she gon' call her friends, now that's a plan. I just ordered sushi from Japan. Now yo bitch wanna kick it, Jackie Chan. Jackie Chan. I think you got the wrong impression about me, back, about me back. Just cause they heard what hood I'm from, they think I'm crazy. Think I'm crazy. Okay, well maybe just a little crazy. Just a little. Cause I admit I'm crazy about that lady, yeah, yeah. Finger to the world, let's fuck you, baby. I've been slaving. Gun the pussy cause I'm running out of patience. No more waiting, no, no. Bouncing like a yo-yo. Living life on fast forward, but we fucking slow-mo, yeah, yeah. She said she too young, don't want no man. So she gon' call her friends, now that's a plan. I just saw the sushi from Japan. Now yo bitch wanna kick it, Jackie Chan. She said she too young, don't want no man. So she gon' call her friends, now that's a plan. I just saw the sushi from Japan. Now yo bitch wanna kick it, Jackie Chan. C'est Coé, c'est le Bifor sur Énergie. Faut absolument que je vous parle d'une Espagnole qui a remis en forme une magnifique statue en bois du 15e siècle dans une église. Faut que je vous parle de ça, c'est très beau. La compile de l'équipe de France, jusqu'après le Zap Télé de Mico, il y avait quoi de beau à la télé? Samedi soir, dans On n'est pas couché sur France 2, Thierry Ardisson a réglé ses petits problèmes, ses petits comptes avec l'ancien patron. De France 2. De France 2. Patrick de Carolis. Ben lui, il m'a viré en me disant finalement que c'était une sorte d'escroquerie de travailler à la fois chez Paris Première et chez France 2. Et en fait, l'avenir a prouvé que l'escroc, c'était lui, parce qu'il a été impliqué dans l'affaire Big Malion, pas moi. Bim ! Prends ça ! T'es plus en poste, prends ça ! Bon, il y a un peu de ça, ouais. Il est plus là, ouais, je vais dire du mal. Alors, je peux y aller. Ouais, oh, oh, oui, bon, on a toujours eu des trucs. Dans Clic Dimanche sur Canal+, là, c'est la comédienne Béatrice Dalle qui règle ses comptes avec ses haters. Ah, c'était week-end règlement de compte. Règlement de compte. Hein. Ah, dis donc, alors que moi, nous, on était nous, on s'est pris un petit brunch, nous, on a réglé nos comptes avec un œuf brouillé. c'était beaucoup plus soft. Tu sais, tu vois sur Insta, t'as des haters. Nique leur mère à tout cela, tu vois. Parce que sans déconner, si ça te plaît pas ce que j'écris, ce que je fais, mon travail, quand je suis actrice, c'est ton droit et je suis prêt à respecter ça. Maintenant que tu m'insultes, et l'insulte qui revient tout le temps, c'est sale pute toxico. Alors je réponds, toxico, ouais, je l'ai été longtemps, mais nique ta mère, que ça peut te foutre, c'est ma vie, c'est pas la tienne. Et pute, mec, j'ai toujours fait ce que j'ai voulu de ma vie, contrairement à souvent les mecs qui sont en train de m'envoyer ce genre de trucs. Ok, j'irai. Voilà, bon. On va pas la faire chier tout de suite. Non. On va la laisser redescendre, hein. Voilà, un peu haute. Hein. Nous, on a mis la vidéo qui est cartonne, qui est 8e des tendances en France, la vidéo de Koé et ses haters. Allez la voir sur YouTube, vous avez 2 minutes, vous êtes au bureau, tapez Koé et ses haters, vous allez la voir. C'est que des gens à qui on demande s'ils m'aiment bien, et tous ceux qui disent non, on l'aime pas, j'arrive derrière. C'est énorme. Elle est magique cette vidéo. Il y a un dernier son. Dernier son sur M6 dans 66 minutes. Attends, tu veux dire qu'il n'y a pas de télé-réalité? Non, pas aujourd'hui. Je voulais m'instruire. Bah, en vrai, ça se fait autrement. Il y avait un sujet hier qui s'intitulait J'arrête de me laver. Et donc, tu as Cécile qui a un parfum très personnel. Ici, aucun produit de beauté, mais de l'écologique et du naturel jusqu'à l'extrême. Car la provenance du parfum de Cécile a vraiment de quoi surprendre. Ça me prend par période où je mets mon urine dès le matin et je sèche et après je me rhabille. Donc ça sent, c'est très fleuri. Je mange tout cru, que des fruits et des légumes. Ouais. Bah, mon urine, elle a le goût de pêche, abricot. Ouais. C'est une infusion, quoi. Ouais. Bah, y a qu'à y aller dans les parkings. Y a qu'à aller dans les parkings ou dans les urinoirs de mecs, ça sent l'abricot, l'infusion. Hein. Ah, mais c'est assez connu. Hein. Moi, souvent, je rentre dans les toilettes de mecs, une odeur de tisane. Mais quelle horreur! Ça sent l'infusion, ça sent l'abricot. Tu en veux un peu? J'ai un échantillon. Ah non, ça ira, merci beaucoup. Merci d'être avec nous sur Énergie. On est là jusqu'à 20h, dans 20 minutes en public. Hey! sur Énergie. Vous allez bien, vous êtes en forme, la compile, la compile de l'équipe de France dans un instant. Hier, c'était très très beau parce qu'il y a eu le match. On va être honnête, tout le monde s'en fout du match. Le plus important, c'est ce qui s'est passé après. C'est la rencontre. Prétexte. Voilà, c'était le prétexte parce qu'il y a pas mal de supporters qui avaient vu trop vite passer le bus sur les Champs-Elysées. Et là, ils ont pris le temps, les joueurs. Et franchement, je suis pas très football, mais je trouve que ce qu'ils ont fait hier, c'est magnifique. C'est top. T'as vu les enfants au bord du terrain? Non, mais j'ai trouvé tout très bien. Voilà, que tous les joueurs aient décidé, les enfants étaient là, c'était beau. Enfin voilà, c'était ça me fait à nouveau aimer. Et même si je suis pas fan de foot, j'aime cette équipe. Je les trouve tous positifs, je les trouve tous très sympas. Pas au test de drogue, hein, mais tous très positifs. Non, parce que quand tu dis à un sportif qu'il est positif, faut toujours s'inquiéter. Il aime pas. Mais je les trouve incroyables, cette équipe de France. Je le dis, je les aime vraiment fort. T'as raison. Ils sont vraiment top. Tu regardes leur Insta, ils sont tous positifs tout le temps et c'est magique. Est-ce qu'on peut. Et ça change. Et ça change, c'est vrai. Est-ce qu'on peut être en liaison avec la villa des animateurs? Je rappelle le concept. Oui. Une villa où tous les animateurs du showbiz sont. Ils sont tous là, ils vivent dans un petit deux pièces, Gennevilliers, ils sont tous là, hein, parce que la télé c'est plus dur qu'avant. On est en connexion ou pas? Oui, c'est bon. Attendez ou pas? Est-ce que on est là? Oui. Allô, c'est. Ouais. Salut, c'est la radio, on voulait savoir ce que vous avez fait ce week-end. Allez, salut, c'est Arthur, ça va? Oui. Bah, j'étais dans les loges avec les Bleus après le match hier soir, vous voyez. Il y avait tous nos champions du monde, ils ont soulevé la coupe, surtout Hugo Lloris. Il a soulevé la coupe du monde, la coupe de champagne, la coupe de whisky, la coupe de mojito. Eh mon frérot! Je peux pas te laisser dire du mal de mon Hugo Lloris soudé. On se griffouille, je suis là, putain, je le kiffe. Je le kiffe. C'est vrai qu'il a eu des soucis avec l'alcool, biscuit, hein, le gars, biscuit. Mais faut pas se moquer. Il a même eu le droit de fouler la pelouse du Stade de France, il a pas eu le droit, frérot, putain, quelle race! Oui, il a pas foulé, il a fumé la pelouse. Je l'adore. Ah, ok, cette vanne, elle marche pas. D'accord. Mais Smer, tu peux venir pour les hypnotiser, s'il te plaît, parce que ma vanne, elle passe pas. Vous entendez tous le son de ma voix. À trois, vous serez tous hypnotisés, cette vanne vous fera rire. Un, deux, trois. C'est génial les gars, salut, c'est Patrick Sébastien, ça va ou pas? Oui. Il y a une bonne ambiance, j'arrive là, je me suis dit, ça c'est pas les couloirs de France 2, c'est la fiesta ici. J'ai regardé le match de l'équipe de France, j'étais avec les mecs, c'était génial. On n'a pas arrêté de chanter la chanson, ramenez vos thèmes à la maison. Allez, qu'est-ce qu'il y a, quoi? C'est pas ça les paroles. Ah ouais, c'est vrai, ouais, parce que moi j'étais dans un club échangiste, tu vois, dans le sud de la France, et c'est ce qu'on chantait, ramenez vos thèmes à la maison. C'est Coé, c'est le Bifort sur Énergie. Vos stars énergie préférées sont de retour sur la scène du Energy Music Tour. Plus de 50 villes dans le monde. Plus de 2 millions de spectateurs. La plus grande tournée musicale gratuite s'arrête pour la première fois à Maubeuge. Samedi. Sur scène. Jennifer. C'est Vita sur Energy. Sound of Legend. Julian Peretta. Lautner. Et Kenji. C'est Kenji sur Energy. Le Energy Music Tour. Présenté par Koé. Samedi. À Maubeuge. Avec Sam, le conducteur désigné. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Un événement Energy. It's music only. Il y a des pneus dans les garages Eurorépar? Il y en a. Ah! Mais pas que. Eurorépar, c'est plus de 1400 garages près de chez vous pour l'entretien et la réparation des véhicules toutes marques. Et des pneus! Mais oui, c'est même le bon plan du moment. Du 1er septembre au 31 octobre 2018, le pneu Eurorépar Reliant 155 70 R13 75 T est à 39,99€ dans tous les garages Eurorépar participants. Devis, rendez-vous en ligne et modalités de l'offre sur eurorépar.fr. Ben est électricien, un excellent électricien, et il travaille dur pour le rester. Et comme tous les bons artisans, il ne veut que le meilleur, Ben. Les meilleurs matériaux et les meilleurs outils. Somme toute, c'est logique. Voilà pourquoi Bricoman l'accompagne au quotidien et lui propose les plus grandes marques du bâtiment au meilleur prix, simplement et tous les jours. Bricoman, les nouveaux entrepreneurs. Hier, mon papy, il a sorti une grande échelle pour tailler les arbres. Ben moi, mon papa, il grimpe direct dedans, sans échelle. Le mien aussi, et même une fois, la branche a cassé, il s'est rattrapé comme Tarzan. Et si nous transmettions la bonne attitude? La chute, premier accident du quotidien. Attitude prévention, les assureurs se mobilisent. Intermarché vous propose d'écouter 19,99€. Mais non, j'ai dit 19,99€. Ah, pardon. 19,99€, c'est le prix de notre brosse à dents électrique Oral-B Pro 750 et de son étui de voyage. C'est notre meilleur prix et c'est seulement chez Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. 33 786 pièces disponibles. Modalité magasin participant sur intermarché.com. MMA, la vie en direct, interruption spéciale. En direct de l'hôpital, Benoît. Oui, Ludivine, à mes côtés, Olivier, un père de famille très sportif, l'accident bête. Ah, c'est terrible. Est-ce qu'il pense à sa famille dans ce genre de situation? Oui, MMA a inventé MMA Pérennité Premium pour l'accompagner au quotidien, assurer sa santé et protéger financièrement sa famille quand il lui arrive quelque chose. Oui, bon bah ça va, envoyez la pub. MMA. Conditions et coordonnées de l'assureur en agence MMA. Chez Fitness Park, je veux brûler des calories. Avoir plus de force et d'énergie. Avoir un corps canon. Des abdos en béton. Enchaîner les squats. Dépasser mes limites. Nous sommes adhérents Fitness Park. Cardio, musculation, cross-training. Jusqu'au 17 septembre, profite vite de l'offre de rentrée Fitness Park avec 3 mois à 9,95€ seulement, plus un cadeau offert. Fitness Park. Se dépasser, se surpasser. Offre non cumulable valable jusqu'au 17 septembre 2018 pour toute souscription à un abonnement annuel, puis 29,95€ les mois suivants. Offre d'inscription. Voir conditions sur fitnesspark.fr. Bonjour, c'est moi Ramsès, le chat blanc de Feu Vert. J'ai pas juste une bonne nouvelle à vous annoncer. J'en ai deux. Pour la rentrée chez Feu Vert, le deuxième pneu Orium acheté est à moins 50%. Et la vidange aussi, moins 50%, quelle que soit la marque de votre véhicule. Alors, elle est pas au poil cette rentrée Feu Vert à moins 50%? Offre valable jusqu'au 22 septembre et conditionnée à la pose dans nos ateliers. Voir véhicule éligible sur feuvert.fr. Téléchargez l'appli Énergie gratuite. Sans abonnement. Tous les podcasts Énergie. Énergie, hit music only. Jusqu'au 30 septembre chez Ford. Une offre exceptionnelle envahit les concessions. La Ford K+, la plus spacieuse des citadines, est à seulement 7 550€. Dépêchez-vous, il n'y en aura pas pour tout le monde. Pendant les Ford Days, la nouvelle Ford K+, avec 5 vraies places et limiteur de vitesse, est à seulement 7 550€. Les Ford Days, c'est chez Ford. Ouverture dimanche 16 selon autorisation, prix maximum d'une nouvelle K+ Essential 70 chevaux, incluant la prime à la conversion de 2 000€ sous condition de reprise d'un véhicule éligible. Offre valable jusqu'au 30 septembre, voir Ford.fr. Être à son affaire, expression française qui signifie que peu importe ce que vous voulez sur la redoute, vous serez toujours gagnant. En ce moment, 40€ de réduction immédiate tous les 100€ d'achat sur une sélection de meubles et de déco. Ce canapé, ce lit, cette petite lampe. Oh. Et en plus, la livraison est gratuite toute l'année avec La Redoute et moi. Voir conditions sur laredoute.fr. Chérie, j'ai une grande nouvelle. On change de box. Ah bon? Mais pourquoi? Parce qu'en ce moment, Free propose la Freebox Révolution à 19,99€ par mois. On est obligé de sauter dessus. Et en plus, on aura la fibre, t'imagines? Ah oh, oui, j'ai surtout envie de te sauter dessus. Hein? Mais qu'est-ce que fait? Non mais doucement, chérie. Merci Free. Freebox Révolution avec TV by Canal Panorama. En ce moment, à 19,99€ par mois pendant un an au lieu de 44,99€. Appelez gratuitement le 1044 ou rendez-vous sur free.fr. Offre soumise à condition, engagement 12 mois sous réserve d'éligibilité à la fibre. À la MAE, nous protégeons chaque instant de la vie des enfants, à l'école et pendant toutes leurs activités. On croit souvent que la responsabilité civile suffit à protéger les enfants. C'est faux. Elle les protège lorsqu'ils causent un accident, mais jamais quand ils en sont victimes. L'assurance scolaire MAE protège tous les enfants, petits et grands, dès 11,90€ par an. Adhérez vite sur MAE.fr. MAE, mon premier assureur. Détails des garanties dans la notice d'information sur MAE.fr. Merci, c'est un peu court. Un grand merci, c'est encore trop petit. Moi, pour la pause gratuite de ma sublime cuisine par Cuisine Plus, je ne vois qu'une seule chose à dire. Mille merci. Du 1er au 29 septembre chez Cuisine Plus, la pause est offerte à partir de 4 000€ d'achat de meubles sur modèle signalé Cuisine Plus. C'est fou comme c'est vous. Voir conditions en magasin sur cuisineplus.fr. Chérie, avant de faire les papiers de la voiture avec le monsieur, on peut essayer un truc? Bah si tu veux, oui. Ah bah ok, allez-y. But à la 90e minute. Ok, c'est bon, on la prend. Pas de problème. Volkswagen, à l'épreuve des supporters des champions du monde. En septembre, pour l'achat d'une Volkswagen Up, profitez d'une reprise plus jusqu'à 3 500€ sur votre ancien véhicule. Sous condition de bénéficier de la prime à la conversion, 2 000€. Conditions sur servicepublic.fr et Volkswagen.fr. Portes ouvertes les 15 et 16 septembre. C'est Coé, c'est le Bifor sur Énergie. Soyez prêts pour jeudi. Kenji sera notre invité, il répondra à vos questions, il viendra chanter dans l'émission. Et jeudi après l'émission, il va même, oh, c'est ça, hein, on va se retrouver dans le hall. Et si vous êtes devant Énergie, tout le monde ne peut pas rentrer dans le studio. Bim, on prend le hall d'Énergie et on fait un grand showcase de Kenji. C'est énorme. Et génial, et si vous êtes chez vous, on fera du Facebook Live. Exactement. Vous verrez tout en temps réel, ça va être un grand moment. Et notre Kenji sera là, j'adore. Il chantera celle-là ou pas? Non. Ah non, ça va être nouvel album. Non, il va la chanter. Ah, j'adore. Je perds mon temps, je perds la tête. Oh, ma belle espagnole. À 18h, on est était en public en bas dans un instant. Il y aura après Big Flo et Oli la compile de toute l'équipe de France. Mais j'ai deux infos à vous dire. D'abord, une Espagnole, ils avaient trouvé en Espagne. Ça me fait rire. Dans une église, une magnifique statue du 15e siècle en bois. Et vous savez à quel point elle était restée nickel, la statue en bois. Mais en bois brut, comme des volets. Vous voyez, oui, comme un lit de bois. C'est magique, du 15e siècle. Et ils ont demandé à une habitante du village, artiste peintre amateur, de la repeindre, mec. Non. Elle a fait une saloperie. Elle a fait un macomoulage. Vous avez déjà fait du macomoulage? C'est pas ça. C'est quoi? Le macomoulage, tu sais, c'est un truc, tu le sors blanc, puis après tu prends des couleurs, et ça n'a généralement jamais rien à voir avec la boîte. Et tu débordes. Elle a niqué la statue du 15e. C'était que là. Le petit Jésus, elle, tu as mis une tenue, mais fluo, mec, on dirait un truc des Eagles. C'est vrai. Jésus, à l'époque, s'habillait chez des Eagles. Marie, mais alors ils ont un teint rose qui n'existe que dans les dessins animés. Ouais, avec du eyeliner. Dans la vraie vie, ça n'existe pas. Non. Et elle a niqué la statue. Hein. Voilà. Elle est passée d'une valeur énorme à plus rien. Et la dame, elle a dit je les ai peintes comme j'ai pu, avec les couleurs qui m'ont semblé les bonnes. Et les voisins ont aimé. Et à la fin, elle a dû terminer, ils ont pu aller ouf. Vous n'êtes pas content, moi je rends service. Voilà. Et puis enfin, une autre info qui, elle, m'amuse beaucoup. On aura l'occasion d'en reparler. Après Stallone qui va faire Rambo, et ben on apprend que Schwarzenegger va faire Terminator 6. Oh là, encore. Ça, c'est ouf. Faut arrêter. Mais c'est plus un robot, c'est une machine à laver maintenant. Non, mais excuse-moi. C'est vrai. Hasta la, Dorista. J'ai plus les paroles. Hasta la, Alzheimer. Je sais plus où on en est. Dans un instant, la compile de l'équipe de France. Big Flo et Oli maintenant. Big Flo et Oli, tu connais, non? Petit biscuit. Tout le monde me dit, tu sais, pour ton avenir on a peur. On voudrait que tu sois un médecin, toi, tu veux être un rappeur. Ma meuf m'a dit, tu m'aimes pas assez, on dirait que tu t'es lassé. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as plus le même regard quand t'as fini de m'embrasser. Je m'endors avec mes coudes blues, plus personne ne croit au coup de foudre. La voisine est venue me voir pour me dire qu'elle en avait marre de mes engueulades avec ma mère. À chaque fois c'est pareil quand je m'énerve. Je tape dans la porte et je casse mes affaires, puis je m'endors et quand je me réveille je regrette. Tout le monde me parle, tout le monde croit savoir ce que je dois faire de ma vie, ce qu'il y a dans ma tête. Mais j'écoute que moi et je me répète que c'est pas grave. Ce soir tu danses. Faut pas que t'y penses. Ne pense plus à rien, rien, rien, rien. Ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Il m'a dit, t'es comme les autres en fait. Tu m'apportes que des problèmes, allez sors de ma vie. De toute façon je le pensais pas, quand je te disais je t'aime. On nous répète qu'avant c'était mieux. On croit en l'amour qu'une semaine sur deux. Le temps passe vite, on est des jeunes vieux. Hier un petit m'a appelé monsieur. Par la fenêtre, j'atteins un signe. Je pense à mon avenir qui doucement se dessine. En attendant je me remets ce vieux son de Biggie. Celui qui fait It was all a dream. Un seul sourire et mille pleurs. On attend la surprise comme les Kinder. Pour éviter de dire, les enfants, j'ai rencontré maman sur Tinder. Toutes les questions sans réponse se baladent dans ma tête. La main sur le cœur, des fois j'ai trop peur qu'ils s'arrêtent. Mais j'écoute que moi et je me répète que c'est pas grave. Ce soir tu danses. La nuit porte conseil. Faut pas que tu penses. Ne pense plus à rien, rien, rien, rien. De personnes ont regardé le match de foot, 6 600 000 hier à la télévision, c'est bien. C'est bien, c'est et 3 génial. Millions de personnes ont vu ce qui s'est passé après, c'est-à-dire la petite fête, l'hommage aux fans, etc. Oui. Je trouvais ça magique. Voilà. C'est très bon esprit. Vous savez quoi? C'est ce qui symbolise cette émission. Tous les jours, 17h-20h, c'est bon esprit. Faut que ce soit bienveillant. Faut qu'on amuse les gens sans jamais être méchant. Faut qu'on lève une coupe à un moment dans l'année. Je sais pas laquelle on lèvera. Mais non, mais vraiment, c'est voilà, j'aime beaucoup. Mais pour la peine. Oui. Faut qu'on s'aime. C'est important. Oui, oui, oui, ça oui. Il est déjà heureux, ça va. Bon, enfin, 2-1 pour nous. Oui, c'est bien. C'est déjà bien. Voici la compile de l'équipe de France. Alors, ayons une pensée, puisqu'on a trouvé des chansons pour tout le monde. Une pensée pour Rami, qui attend toujours dans les vestiaires pour être sélectionné. Depuis le temps que je patiente dans cette chambre noire, j'entends qu'on s'amuse et qu'on chante au bout du couloir. Oh mon pauvre, il y a même Thauvin. Thauvin qui lui aussi s'occupe comme il peut en faisant des UV dans les vestiaires. Un petit Marseillais, ensoleillé par nature. Bon bah Rabiot il s'est fait une raison, hein. Il a pas joué non plus, il a le temps de fumer un chicha. J'ai pas joué. Le goal, Areola, magistral hier le goal. Comprenez bien, je veux sans fumer, sans alcool. Je vole. Pour Loris, c'est la même chanson mais avec alcool. Non. N'Golo Kanté, on sait maintenant pourquoi il tient pas en place, ça y est, on le sait. Dans mon slip, j'ai mis des cactus. Aïe aïe aïe. C'est bon ça. Il y a également la chanson que Griezmann a chantée aux Hollandais en lui tirant son short. Donne-moi ton cœur, short. Voilà, le cœur a été remplacé par short par un subtil montage. Vous me convoquerez le producteur de cette émission après le gars qui fait les sons. D'accord, on en parlera. Et enfin Mbappé qui a été magistral. Il a été magistral, c'est, je pense, il joue tellement bien, ça va. Je pense que celle qui en parle le mieux, c'est Josiane Balasco. Eh, ça va vite, ça va vite, ça va trop vite, ça va trop vite. Il est génial ce mec, bienvenue sur Énergie, on a 3 minutes pour descendre dans notre studio. Mais tout va bien, on a maintenant, on n'a plus les ascenseurs normaux. Eh oui. Je remercie la sécu, ils nous ont donné le monde charge. Je sais pas comment il faut le prendre. Coué, hey, dans le monde charge, ça ira plus vite. Bienvenue, à tout de suite. La matina. Mi son svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato ed ho trovato l'invaso. Tu m'as tant donné, j'attends ton retour. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. J'ai beau chanter, mais j'attends toujours que tu reviennes. Continue sans toi, tu vas m'en vouloir. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oui, je l'ai fait pour toi, je t'en prie, pardonne-moi. Et à contre-cœur, oh bella ciao. La la la la la, la la la la la. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. La la la la la, la la la la la, la la la la la la la la. Je t'envoie mes mots de là où je suis. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Quand tous les efforts, tous les écrits n'ont plus de sens, n'ont plus de prix. J'ai crié ma peine, mon poing sur les murs. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Crié que je t'aime, brisé mon armure. L'âme qui pleure, mais le cœur dur. La la la la la. La la la la. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. La la la la. La la la la la. La la la la la la la la. La la la la la. La la la la la. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. La la la la. Heures 20h. Vous êtes prêts? C'est des biens! Le mot charge. Quel bonheur d'être avec vous. Je vais être honnête, on a eu une petite frayeur. Parce que comme je vous le disais à l'instant, Énergie nous a donné accès au monde charge. Quel honneur. À la base, c'est pour aller plus vite, mais oui. Il est super lent. En fait, c'est un monde charge de gens pas pressés. Oui. Il est super lent. C'est long. Vous m'avez mis une frayeur. Puis je sais pas comment je dois le prendre. Le monde charge. Il y a 10 jours, on avait l'ascenseur. 15 jours après, j'ai le monde charge. Semaine prochaine, les escaliers. Ouais, je pense que dans une semaine, tu as qu'à sauter par la fenêtre. Tu vas m'installer un élastique. Allez, vas-y. Une barre de pompiers, tu sais. Ah, si, il y a des animateurs, on leur a fait l'année prochaine, on les a plus jamais revus. Mais vas-y, fais-le. Bon, j'espère que tout va bien. Deuxième partie d'émission après le before, nous sommes en public. Est-ce que le public va bien? Je suis ravi parce que je vais enfin pouvoir dire quelque chose sans me faire engueuler, ce qui est assez rare. Ah. Demain, il y a David Guetta qui est notre invité. Ça va. Ça, on a le droit, ça. J'ai le droit de le dire. Mercredi, VG Dream. Il y aura Kenji jeudi. Et. Est-ce que t'es prêt, Bichette, ou pas encore? Pour les sons. Attends, je te laisse encore deux secondes. J'en mets une autre. Il y aura le showcase aussi. Il y aura le showcase de Kenji, vous suivrez tout sur le Facebook Live. Bon, j'ai pas l'extrait, mais ça y est, maintenant, je peux l'annoncer. Avec nous, vendredi, il y aura les Black Eyed Peas qui sont. C'est bien, hein? C'est beaucoup, hein? Et ils chanteront leur nouveau titre et un gold. Oui. Donc, et je voudrais dire qu'on me l'a annoncé il y a deux minutes. Je fais un bisou à Alex, hein, qui gère tous les artistes sur Énergie. Elle m'a dit, ça y est, c'est bon, on peut l'annoncer. Et quand elle a dit dans le studio, ils chanteront un gold, Jeff, il a dit, lequel de gold? Un peu plus près des étoiles ou ville de lumière? Il y aurait mis les mirages aussi avec? Non, mais est-ce que tu vois les mecs de Black Eyed Peas faire un peu plus près des étoiles? Je sais pas maintenant, tu sais. Ils reprennent tout. Un gold. Vous pouvez nous faire les démons de minuit? Ouais, bien sûr. Mec, il est con. Je ne sais pas ce que je fais de cette équipe. Bon, en attendant, merci d'être là. Dans un instant, nous aurons pas mal de surprises aujourd'hui. Nous allons faire la compile Ami Ennemi, notamment. Pas la compile, mais la rencontre Ami Ennemi. Oui. Le principe est simple, on va réconcilier les gens qui ne s'aiment pas. Oui. Et ils auront besoin de donner des réponses communes pour gagner chacun un beau cadeau. C'est beau. Aujourd'hui, faire équipe, alors aujourd'hui, après avoir fait, on a fait deux villes la dernière fois. On a fait fan de Caris contre fan de Booba. C'est vrai. Enfin, plutôt avec. Oui. Cette fois-ci, nous allons faire vegan contre boucher. Ouais. C'est la guerre en ce moment. Il faudra que les vegans et les bouchers parlent d'une même voix et donne une bonne réponse s'ils veulent avoir une... Là, j'y crois pas, moi. Tu crois pas? Ah non. Ah, ça va. D'accord. Être chaud. Et je fais un gros bisou à un petit jeune YouTuber. Comment il s'appelle? Bah, je te l'ai noté. MaxiCraft54, mais c'est son pseudo, ça. Oui, mais après, je... Bon, c'est sa chaîne, MaxiCraft54. Suivez-le, il a 17 abonnés. Je vous explique pourquoi, parce qu'il a fait un truc qui m'a fait rire. On fait des vidéos sur ma chaîne YouTube de Miko et Coco, font des vidéos. Oui. Où on regarde des gens, donc c'est nous deux, qui regardons des vidéos. Et on commente. Et le gamin, il se filme lui-même en train de nous regarder des vidéos. C'est sans fin. Mais c'est ultra mignon. C'est un concept un peu chelou. Hein, c'est-à-dire, c'est chelou à voir. Hein, c'est drôle. Ouais, c'est Inception. Mais je lui fais un bisou parce qu'il est tout mignon, il est tout jeune, il a sa petite chaîne et que j'ai vu les images tout à l'heure et ça m'a fait marrer. Donc voilà, je l'embrasse. La vidéo est cinquième des tendances France, la vidéo des gens qui ne m'aiment pas. J'ai l'impression que donc plus on me déteste, plus ta carte marche. Voilà. Donc vendredi, j'en mets une où je vais me faire rouer de coups dans la rue si ça vous fait plaisir. Et je pense dévoré par des lions dimanche. Donc allez-y, hein. Allez la voir. T'as vu la vidéo où il se fait bouffer par des lions? Oh, il est marrant. J'adore. Jusqu'au bout, il fait une vanne. Hein. Il est marrant. Dans un instant, nous appellerons des magasins pour faire notre promo. Restez avec nous sur Énergie. C'est l'émission en public. Nouvelle semaine qui va être une belle semaine. Et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, à nous mettre plein de témoignages. Merci tout le monde. Qu'est-ce qu'on est? C'est Jane. Oui. J'ai reconnu, t'as vu. Fort. Bah, bien sûr, évidemment. To look down at you. Things gonna be the rising of another dawn. I 20h, c'est Coé sur Énergie. Merci d'être avec nous. Ça me fait plaisir de voir tout le public. Il y en a, je connais de vue, hein. Il y en a qui viennent nous voir souvent. Il y en a qui me disent des petits mots sur les réseaux sociaux, qui me laissent des petits messages et tout, ça me fait plaisir. Bon, oui, bah oui, tu sais, à force, tu veux, t'as des... Personne m'écrit. Non, mais t'as des gens, ils sont tellement fans et tellement gentils qu'on voit leur tête souvent. Oui, oui, c'est vrai. Puis il y a un petit mot. Puis tu vois, t'as pas toujours le temps de répondre et voilà, malgré tout, ils mettent des petits mots jamais. Ah c'est bon dit non. Tu m'as pas répondu. Voilà, t'as, ils sont... T'as pas le temps de répondre. Pas à tout le monde, pas à tout le monde. Mais des fois, tu vois quand même toujours les messages gentils arriver. Voilà, donc ça fait très très plaisir. On a fait notre pub. Ouais, ouais. Allez, j'ai envie de me faire un magasin Jiffy. On n'a jamais fait. Ah, c'est vrai. J'adore Jiffy. Jiffy des magasins. Des idées. On y va, c'est parti. C'est quoi? Des idées de génie. J'ai dit quoi? Nini. De Nini. C'est le jingle. On y va, c'est parti. On va où? Villefranche-sur-Saône. Boum. Vous connaissez hein, le grand classique, Coé de retour sur Énergie, prennent le micro du magasin, tout le monde l'entend, il n'y a pas de petite promo. Tout le monde doit le savoir. Allô ? Allô, je suis Villefranche, bonjour. Bonjour, c'est le magasin Jiffy des idées de génie ? Oui. Bonjour, c'est bonjour, enchanté, moi c'est Coé, on est sur Énergie, vous allez bien ? Et vous ? Magnifique, très bien, très bien. Alors j'ai besoin de vous. Ah. Oh, j'ai besoin de vous. Dites-moi. Est-ce que vous avez un micro à côté de vous, à Jiffy des idées de génie de Villefranche-sur-Saône ? Est-ce que vous avez un micro à côté de vous pour parler dans le magasin ? Oui, on a ça. Alors, j'ai doublement besoin de vous. Il faudrait que vous fassiez un petit texte pour dire qu'on est de retour sur Énergie. Voilà, l'émission, elle a démarré. C'est la troisième semaine ? Oui. Oui. Oui. Tout frais, tout frais. C'est encore de la peinture fraîche, tout ça. Donc, on a besoin de vous parce qu'il y a des magasins, non ? Il y a des clients dans le magasin ou pas ? Un petit peu, oui. Ouais, ah, petit, ah, c'est pas, d'accord. Il n'y a pas de petite promo. Voilà. Même s'ils sont 5, il faut les informer. Est-ce que si je vous donne le texte, vous acceptez de le dire dans le magasin ? On va essayer. Ça, c'est sympa. Ça, c'est sympa. C'est quoi votre qu'est-ce prénom ? Qu'est-ce qu'on gagne ? De la pub déjà. Hey, ouais, là. Oui. Donnant, donnant. Là, on n'a pas arrêté d'en parler déjà. C'est quoi votre prénom ? C'est Gilles. Gilles. Gilles, vous notez ? Attendez, bougez pas. Il a l'air tranquille, Gilles. Ouais, Gilles, il a l'air cool. Ouais, ouais, attendez, quittez pas, je vais vous trouver ça. On y va ? Non, non, toujours pas. Ah, d'accord. Okay. Ah, mais vous me dites, hein, je ne pourrais pas faire un an, mais on y va. C'est moi qui donne le top départ. Gilles, on vous attend, nous. Vous savez quoi ? Ça prendra le temps qu'il faudra, mais non, on est là. Hein. Les gens, ils sont dans leur voiture, ils sont à l'arrêt, ils disent, attends, on ne rentre pas dans le garage tant qu'on n'a pas entendu. Hein. Ah, c'est Gilles. On attend que Gilles soit prêt. Hein. Là, il y a Macron, il est dans la bagnole, les gens ils disent, vous y allez, monsieur le président? Ah bah non, t'attends que Gilles soit prêt. Mais il n'a pas de cheveux sur la langue, arrête, ça toujours, allez, c'est horrible. Ça y est. Bah, quand même. Alors, écoutez Coé sur Énergie de 17h à 20h. Écoutez Coé sur Énergie de 17h à 20h. Écoute, vous êtes parti ou... Non, je suis encore là. On en est où? On est à quel niveau de la phrase? Écoutez Coé, de 17h à 20h sur Énergie. Ouais. Et alors après, petite épreuve de chant. Coé des idées de génie. Ah bah, faudra le chanter. Hein. On mélange The Voice et on fait tout. Hein. Ah, faut... D'accord? C'est noté. Alors, allez, je me dirige vers le micro. Alors posez bien le micro qu'on entende dans le magasin. Attention. Je vais donner ça à la caissière. Elle va... Ah non, c'est vous. Ah non, c'est vous, Gilles. C'est vous. J'ai une voix trop grave. Mais justement, c'est pas grave, Gilles. Il y a des gens, ils ont fait fortune avec une voix grave. Regardez Barry White, où ça l'a amené. Hey, Garou. Vous seriez là, vous diriez. Non. La pauvre, elle est pas au courant, ça va lui tomber dessus, elle va pas être. Bon, allez-y, faites-le, on verra bien. Moi, j'ai envie de dire chacun son tour. J'ai un peu peur de ma chef. Mais ça va aller. Lui aussi, il a peur de sa chef. Qu'est-ce que c'est que ces femmes qui terrorisent ? C'est incroyable, hein ? C'est un nouveau truc. Gilles ? C'est une blague quand je disais que la France attendait, hein ? On a quand même des trucs à faire. Il est en train de négocier, là. Il négocie. Ouais. On va entendre. Non ! Non ! Bon bah ça va pas être possible hein. Rapport à la Gilles. C'est mauvais signe le mec qui cache le téléphone. Ouais. C'est mauvais signe. Ça c'est quand t'as quelqu'un qui dit des saloperies, tu caches le téléphone, tu dis bah il t'écoute, il t'entend. Enfin, on est en direct. Gilles. On est en direct, Gilles. Il a le téléphone contre lui, t'entends Gilles pas. Bah oui, mais peut-être qu'il a une oreille sur le torse, je sais pas. Gilles. Mouton. Gilles, vous êtes là, Gilles? Peut-être que ça résonne à l'intérieur de son corps. Il m'entend dans son corps, il dit quelqu'un me parle. Gilles? On va Bon, hop, t'as tiré quand même, Gilles. Gilles, où? Tu as mangé le téléphone, Gilles? Il est toujours en vacances, là. C'est un peu long, là. Bon, ma chef, elle veut pas. Oh non, oh non Gilles, non ça Gilles, ça. Pas tout ça pour ça, Gilles. Oh vous la passez, si vous voulez. Mais oui, oui. Enfin, on était parti pour faire une pub géniale pour Jiffy. Et par contre, ouais, on l'a cité 4 fois, nous. Mais les gens, ils vont plus y aller, ils étaient de doigts, ils étaient sur le parking. Ils font, allez, on va chez But. Ouais. De toute façon, ils étaient que 5. Ah ouais, Gilles, mais Gilles là, tu joues grave, hein. Ah, Gilles. Tu joues l'avenir du magasin, de tous les magasins de France. Tous. La chaîne. Mondiale. Non, je crois que sa chef, elle allait faire un blocage. Allô, Gilles. Madame Jiffy. Il a raccroché. Gilles. Ah non. Ça, c'est pas cool. Premier échec. Hein. Oh là là, c'est terrible. C'est terrible. On dirait plus chez eux. On vient de vivre un moment terrible. Gilles était à deux doigts de faire sa petite promo. Gilles était à deux doigts de dire quoi sur l'énergie, quoi. Gilles s'est fait stopper dans son élan. Net. Comme Belmondo dans Le Professionnel. Qu'est-ce que je parle? Dernier moment, il est tombé. Je le stoppe ou je le stoppe pas? Gilles, cette émission, elle est pour toi, Gilles. On pensera à toi jusqu'au bout, Gilles. Putain, Gilles. Gilles. Gilles, on dit. Ah oh, putain, tu nous fais démarrer la semaine mal, Gilles. Parti trop tôt. Moi qu'elle est acheté chez toi, dans ton Jiffy. Un petit ventilateur USB à 4,50€. C'est déjà ça de prix. Mais bon, c'est pas grave. Restez avec nous dans un instant, je ne m'avoue pas perdu. Je continuerai. A tout de suite sur Énergie, restez là, on est dans le public. Ça va le public, vous êtes bien? Nous aussi, merci de nous suivre, à tout de suite, on revient. Tous les matins, c'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. Florian, bonjour. Salut Manu, salut les ouin-ouins. Quelle est la chose insupportable de ton partenaire? Mon copain, il est espagnol. Et en fait, quand on s'engueule, il me parle en espagnol, ça me fout hors de moi parce que je comprends rien. Ah oui. Ah oui. Peut-être qu'il s'excuse et qu'il dit des mots d'amour en espagnol après. Mais oui, mais c'est oui. Jamais. Ah, je crois pas. Quand t'as le mot puta dans la phrase, c'est que c'est tu vrai. T'excuses pas. Manu dans le 6-9. Manu, allez. 6h, 9h30 sur Énergie. On en parle. Il y a des sujets auxquels on n'aime pas penser, mais qu'il est important d'aborder. Ce qui pourrait arriver de grave à son enfant, par exemple. On en parle aujourd'hui avec le Crédit Agricole. Écoutons d'abord le témoignage de Paul. Alors, il y a quelques mois, mon fils Noé a fait une chute lors d'une sortie scolaire. Résultat, mauvaise fracture à la jambe, avec opération à la clé. Et là, une vraie galère. Parce qu'en plus des rendez-vous médicaux nombreux, sa scolarité a été complètement perturbée. On a même dû prendre une aide à domicile pour du soutien scolaire. Alors Anne, vous êtes conseillère au Crédit Agricole. Quel conseil peut-on donner aux parents? Eh bien, lorsque votre enfant se blesse tout seul, que ce soit dans le milieu scolaire, extrascolaire ou même lors de ses loisirs, seule l'assurance accident de la vie le protège efficacement. Au Crédit Agricole, vous pouvez bénéficier d'une assistance immédiate et d'une indemnisation pour maintenir la qualité de vie de votre famille. Et comme nous savons que les risques évoluent, désormais, nous proposons un accompagnement psychologique en cas de cyberharcèlement. Merci Anne pour ces précisions. Contrat assuré par Pacifica, entreprise régie par le Code des assurances, voire conditions en agence ou sur crédit-agricole.fr. Chez Fitness Park, je veux brûler des calories. Avoir plus de force et d'énergie. Avoir un corps canon. Des abdos en béton. Enchaîner les squats. Dépasser mes limites. Nous sommes adhérents Fitness Park. Cardio, musculation, cross-training. Jusqu'au 17 septembre, profite vite de l'offre de rentrée Fitness Park avec 3 mois à 9,95€ seulement, plus un cadeau offert. Fitness Park. Se dépasser, se surpasser. Offre non cumulable, valable jusqu'au 17 septembre 2018 pour toute souscription à un abonnement annuel, puis 29,95€ les mois suivants, offre d'inscription. Voir conditions sur fitnesspark.fr. Téléchargez l'appli Énergie, gratuite. Sans abonnement, avec 150 radios digitales. Énergie, hit music only. Ce matin, j'étais presque en retard. Moi aussi. Alors avec papa, on a couru trop vite jusqu'à l'école. Avec maman, pareil. Même qu'on a traversé alors que le petit bonhomme était rouge. Et si nous transmettions la bonne attitude, à pied aussi, les feux se respectent. Attitude prévention, les assureurs se mobilisent. Alors tu vois chérie, moi je verrais bien un nouveau parquet dans le salon, une belle cuisine équipée, puis un grand dressing bien agencé. Ça va faire beaucoup, non? Mais t'inquiète pas, en ce moment et jusqu'au 30 septembre, si on ouvre un contrat d'énergie EDF, et ben on profite de 15% chez son partenaire Castorama. Ah d'accord. Quand on change de logement, on a besoin d'un petit coup de pouce. C'est pourquoi EDF vous accompagne et vous simplifie la vie. Appelez le 3004. Service et appel gratuit. Offre soumise à conditions, disponible sur particulier.edf.fr et valable sous réserve de souscription à la carte de fidélité Castorama, offerte la première année. Non cumulable avec toute autre remise. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Merci, c'est un peu court. Un grand merci, c'est encore trop petit. Moi, pour la pause gratuite de ma sublime cuisine par Cuisine Plus, je ne vois qu'une seule chose à dire. Mille merci. Du 1er au 29 septembre chez Cuisine Plus, la pause est offerte à partir de 4000 euros d'achat de meubles sur modèle signalé. Cuisine Plus, c'est fou comme c'est vous. Voir conditions en magasin sur cuisineplus.fr. Salut, c'est Paulette du 6-9 d'énergie. Vous faites quoi les 6 à 12 prochains mois? Et pourquoi pas découvrir votre pouvoir d'être utile avec le service civique? Utile aux autres, à la planète ou chez les pompiers. Indemnisé 580 euros par mois, ouvert à tous sans condition, le service civique propose une mission pour chacun, au service de tous. Découvrez le pouvoir d'être utile sur service-civique.gouv.fr. Avec nous vendredi pour finir la semaine et on sera en direct évidemment comme tous les soirs entre 17h et 20h. Qu'est-ce qu'il y a? Non, en fait, c'est pas Black Eyed Peas qui vient de faire un gold, finalement, c'est Gold qui vient chanter du Black Eyed Peas. Mais c'est, ça va tout aussi bien. C'est pas la même là. Non, c'est pas la même. C'est pas pareil. C'est pas aussi prestigieux. Alors, je vais chanter à Got a Feeling. I've got a feeling. Vas-y, Emile. C'est pas la même. Le hashtag de ce soir, c'est quoi, monsieur Bordas? C'est je kiffe mes potes, sauf quand. Alors, est-ce qu'on est toujours bien classé? On est toujours numéro 1 TT France. Bravo, bravo, bravo, les amis. Merci. C'est un lundi, c'est un bon lundi. C'est une bonne semaine, c'est un bon lundi. Ouh, les choses vont bien. Ouh, les choses vont bien. On y va. Il y a Johan qui nous dit je kiffe. J'ai dit que notre vidéo était en 5ème position des tendances oui, France. Oui, oui, bravo. Oui. Bravo. Avec les haters, je vous l'ai dit. Bravo, bravo. C'est bon, je peux y aller. Bravo. Vas-y. Il y a Johan qui nous dit. Je vous ai dit que dimanche, j'allais être mangé contre, comme par un lion. Oh, je bravo. Ou pas non, je l'ai pas dit. Oh. Et samedi, bravo. Samedi, t'es à Maubeuge. Maubeuge. Oh, bravo Maubeuge. C'est bon. Oui, ça va être énorme. Bravo Maubeuge. Qu'est-ce que tu attends? Tu rigoles ou quoi là? Non. Mais impose-toi. Je peux y aller. Donc il y a Johan qui nous dit je kiffe mes potes. Kenji, c'est toujours jeudi. Jeudi. Jeudi. Et à la fin de l'émission, bim, on met tout le monde dans le hall. Showcase. Monsieur Bordas, quelle est votre mission dans cette émission? Lire les tweets. Et alors? J'essaye de le faire tout à l'heure. N'importe quoi, menteur en plus. Menteur, je déteste les menteurs. Donc il y a Johan. Moche. Teste ça. Vite, vite. Il y a Johan qui nous dit. On commanderait pas une pizza? Comment? On commanderait pas une pizza? Si. Tu veux quoi? 4 fromages. Mais vous avez mangé une à midi? Non, mais allez, c'est Jeff qui l'a mangé. Je le laisse maintenant, vas-y. Il y a Johan donc, qui nous dit je kiffe mes potes, sauf quand ils me disent qu'ils vont passer la soirée du samedi avec leur meuf comme des petits vieux. Tout ça pour ça. Vas-y, encore un autre. Il y a Olivier qui nous dit je kiffe mes potes sauf quand je drague une fille et que mon pote arrive et dit ça va mieux ton herpès? Oui, ça c'est horrible. Ça c'est horrible. Nous, je vais être honnête avec vous, je vous dis avant d'avoir au téléphone Margot, notre petit jeu, je vous dis, le petit jeu de Miko qui a été tortionnaire avec Jeff pendant des années, c'est que Jeff a des enfants, ouais, comme nous, oui. Et que quand Jeff parlait, je dis bien parler, juste parler. Mais parler, bon, avec une éventualité d'eux, mais parler avec une demoiselle, Miko il arrivait derrière, il faisait c'est qui cette dame, papa? C'est pas maman. C'est qui cette dame? Pourquoi c'est pas maman dans le lit? Ça le calmait direct. Il a arrêté toute conversation du moment. Je suis resté droit, moi. Je m'en vais. Nous revenons sur notre dossier. Vous êtes peut-être tout seul à l'école. Je rappelle que ce dossier a été fait pour Stouff, puisque son fils ne s'est pas fait de copain depuis une semaine. Je prendrai de ses nouvelles. Quel âge a ton fils? 7 ans et demi. Je prendrai de ses nouvelles tout à l'heure. D'accord. Je l'appellerai parce que s'il décroche. Tu sais quoi? On s'est tous mis ici, on a envie qu'il ait des... Pourquoi s'il décroche? Il se la raconte, il filme en plus. Oh, le melon. Tu veux dire qu'à 7 ans et demi, il va dire c'est qui, c'est quoi? Vas-y, relou. Je suis pas là. Il a le temps, il a pas d'amis. Oui, c'est vrai, il a pas d'amis. Il y en a un qui appelle, il décroche pas. Il le fait exprès ou quoi? Il est pas un peu relou cet enfant? Il a pas d'amis, mais quand il y en a un qui appelle, il fait ça va, il commence à me saouler. Vas-y, c'est bon. Bon, en attendant, on prendra de ses nouvelles. Mais ça nous a donné envie de faire un dossier. Oui. Est-ce que vous, des fois, voilà, ceux qui nous écoutent, qui n'ont pas d'amis, au boulot, peut-être pour les plus vieux, ceux qui sont au lycée, ceux qui sont en fac, évidemment les plus jeunes, on a Margot qui a 17 ans. Ça va, Margot? Bonsoir tout le monde. Salut ma belle. Salut. Saint-Germain-en-Laye. Alors, est-ce que tu fais partie de ceux qui n'ont pas beaucoup d'amis? Oui. Enfin, c'est un peu plus compliqué. En fait, dans ma classe, je suis toute seule. Mais vraiment, vraiment toute seule. Mais que t'es une classe de seule c'est quoi? T'as pris option David Guetta? C'est quoi? C'est une option toute seule? Il n'y a qu'une personne qui voulait... Non, pas du tout. C'est-à-dire que, en fait, je n'ai vraiment aucun ami dans ma classe. C'est-à-dire qu'elles sont dans d'autres classes et on a des emplois du temps vraiment différents. Et j'arrive pas du tout à m'intégrer, c'est une catastrophe. Mais tu peux pas ne pas te faire une seule amie ou un seul ami sur 30, combien vous êtes? 30, 35? Ouais, je sais pas, on est beaucoup, mais vraiment, je suis super mal à l'aise dans cette classe, c'est une catastrophe. En anglais, on devait se mettre à deux, j'ai été mise avec un garçon et j'arrivais pas à lui parler pour faire le devoir, du coup, on a fait notre devoir chacun de notre côté. Et j'ai essayé d'aller lui parler et tout, et j'y arrivais pas, j'étais tellement stressée que la prof d'anglais me parlait, je comprenais rien. Ma chérie, on élimine tout de suite un problème, on n'a pas de problème d'haleine. Parce que si quand tu essaies de parler à un mec, tu n'y arrives jamais, est-ce qu'il n'y a pas un souci? Bah, il meurt tous. Je veux te parler. Non, ça va, tout rigole. D'accord. Non, c'est juste que je sais pas quoi lui dire, j'arrive pas, et j'étais tellement stressée que je me suis levée, pour sortir du coup de la classe, j'en tremblais en fait. Et ça m'a vraiment. C'est la timidité. Non, non, elle a pas l'air timide. Si elle était timide, elle aurait déjà un peu de mal à nous parler. Oui, pas l'air elle n'aurait pas appelé, oui. Si, t'es timide? Oui. En fait, avant j'étais énormément timide et avec le temps ça va un peu mieux. Et c'est vraiment en fait dans cette classe-là, j'ai un gros bug, j'arrive pas. Mince. Et c'est vraiment une catastrophe. Ils sont méchants avec toi? Non, pas spécialement, mais je sais très bien que la plupart des filles, je pourrais pas m'entendre avec elles parce que on est vraiment deux mondes à part. C'est a priori coup, ça. Tu les connais pas? Oui, mais est-ce que tu Mais tu sais très bien que quand on se dit tous les autres, je vais pas les aimer, c'est un monde à part, je suis toute seule, c'est pas ce qui arrange le fait qu'ils vont venir. Ça aide pas. Ouais, je sais, et j'ai essayé de me motiver, et il y a un gars qui était dans ma classe l'année dernière. Ah. Et qui est venu me parler. Ah. Je me suis dit, cool, il va venir me parler. Et en fait, la seule chose qu'il a réussi à me dire, c'est que j'avais grossi par rapport à l'année dernière. La gentillesse. Ah, le gentleman. Oui, tu veux me dire quelque chose? T'avais un peu pris, toi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à te dire. Non, il m'a clairement dit, t'as grossi par rapport à l'année dernière. Merci. Bâtard. Je vais faire attention. Je suis inscrit à la cantine cette année. Monsieur Bordas, je voulais dire un truc. Il a levé la main il y a deux secondes. Ah, pas du tout. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez? C'est pour voir le vent, d'où il venait? Comment t'as fait ça? Elle avait la main, Coco. Si, elle parlait, t'as fait. Comme si. Non, j'ai fait ça. Non, il captait plus, en fait. J'ai fait ça, le mec qui fait du smurf. Sud-sud-ouest. Margot, je pense qu'il faut que. Moi, tu sais, je l'ai dit tout à l'heure dans l'émission, mais quand j'étais gamin, j'étais pareil. J'avais très, très peu de copains. Mais vraiment, j'ai même eu une classe, je crois, où j'avais pas d'amis quand j'ai fait ma terminale. Ouais, c'est pas plus mal. Ça venait d'où ça? Ça venait de toi? Ou ça venait de toi qui n'aimais pas les autres? Bah, je crois que j'étais très timide et je me suis toujours dit je ne suis pas intéressant. Et quand on se dit, c'est un cercle vicieux, quand on se dit je ne suis pas intéressant, j'intéresse pas les autres, et bah, ils ne viennent pas vous voir. Ouais. Vous avez remarqué, c'est comme quelqu'un qui se dit je suis moche, je ne plairai jamais aux filles. Et bah, vous verrez, personne ne viendra le voir. Alors c'est qu'un vrai mec, le même physique, mais qui va se dire oh, je suis un mec sympa, je suis machin, et bien les filles viendront le voir. Ouais. C'est pas pour autant qu'il va serrer à 21h30, il va peut-être pas y arriver. Mais il attire, t'attire plus quand t'es rayonnant. D'accord. Et quand tu te refermes, bah, ça marche pas. Et moi j'étais un peu du genre à me refermer. Oui, tu lèves la main ou tu prends le banc? Oui, c'est toi si je lève la main. Putain, rentre-moi. Tu fais la même position que quand tu lèves pas la main. Dis-le si t'es, si t'es bloqué. Là, t'as l'air. Non, mais le mec il a rien à dire, il lève le doigt, il a un truc à dire, il lève le doigt. C'est sa position naturelle. Alors. Il fait ulti. Allez, comme ça. En fait, quand je suis arrivé en terminale en Bretagne. Ça va être long. Non, non, pas du tout. C'est énorme. Vite, gars, allez. Non, mais j'ai eu beaucoup de mal à m'intégrer juste parce que je venais de Paris. Et c'est super. Alors, bisous, Margot. Je t'embrasse, ma chérie, et je croise les doigts. Ouvre-toi, je te jure, c'est le principal. Bisous, ma belle. À très bientôt. Bisous. Appelez-nous 0870 42 48. On va avoir pas mal de choses dans un instant. Qu'est-ce qu'ils attendent? Je pense qu'ils veulent matin. Comme un serpent, si sur deux sons, un peu comme Satan. Complètement sonné, elle voudrait qu'on le fasse, mais je suis sonné. Ah, complètement sonné, elle me dit je t'aime, mais je suis sonné. Complètement sonné, elle voudrait qu'on le fasse, mais je suis sonné. Ah, complètement sonné, elle pense au mariage, mais je suis sonné. M'emprisonner ou peut-être m'empoisonner. Ah, entouré de traîtres, on est. Faut savoir sur qui tu pointes ton pistolet. Pris dans un engrenage, tout va trop vite pour moi, oui, Angela. N'en fais pas, genre. Angela. Peace and love, qu'est-ce qu'ils attendent? J'pense qu'ils veulent m'atteindre. Rampe comme un serpent, je suis sûr que c'est un peu comme Satan. Elle voudrait qu'on le fasse, mais je suis sonné. Ah, complètement sonné. Elle me dit je t'aime, mais je suis sonné. Complètement sonné. Elle voudrait qu'on le fasse, mais je suis sonné. Ah, complètement sonné. Elle pense au mariage, mais je suis sonné. Mon cœur est sous-zélé, donc ma relation est sur la sellette. N'est-ce pas? Elle nous porte l'œil. Pourquoi tes copines veulent s'en mêler? Je ne veux pas que tu penses tout ça sur moi. Tu m'aimes ou pas? Oui, mais parfois je doute de toi. C'est love, qu'est-ce qu'ils attendent? Je pense qu'ils veulent m'atteindre. Rampe comme un serpent, je suis sûr que c'est un peu comme Satan. Complètement sonné, elle voudrait qu'on le fasse, mais je suis sonné. Ah, complètement sonné, elle me dit je t'aime, mais je suis sonné. Complètement sonné, elle voudrait qu'on le fasse, mais je suis sonné. Ah, complètement sonné, elle pense au mariage, mais je suis sonné. Nous aurons le jeu Ami Ennemi, nous prendrons un vegan et un boucher qui devront donner la même réponse et au moins s'entendre là-dessus pour gagner chacun quoi ? Deux PS4 Pro. Très bien, bravo, très beau cadeau, énergie, j'adore. Nous aurons, nous appellerons une ville qui a reçu des... Alors, les gens, il y a eu une chute de pierre venue du ciel, personne ne sait d'où ça vient. Il y a des gens qui étaient dans leur jardin, qui ont vu tomber des pierres, ils ne savent pas d'où ça vient. Oh, mystérieux. On gérera ça dans un instant. Qu'est-ce qu'on écoutera ? On écoutera Maroon 5 et Kygo. Mais avant d'écouter Maroon 5, j'ai envie, et qu'on en finisse une fois pour toutes, de rabibocher Caris et Booba. Ah oui. Ouh. Il faut qu'on... Ça y est, moi, vous savez quoi, cette émission, c'est que de l'amour. Oui. Comme dirait Patrick. Et, j'ai envie que cet amour se répartisse partout. J'ai envie de réconcilier Monsieur Caris avec Monsieur Booba. Oui, tu veux que l'amour jaillisse. Alors, j'en ai trouvé deux dans l'annuaire, c'est pas les bons, mais c'est, ça y est quand même. J'ai Monsieur Caris et Monsieur Booba. Écoutez, c'est symbolique. C'est symbolique. Vous voyez de la symbolique là-dedans. Monsieur Caris. Voilà. Allô, allô. Monsieur Caris. Ouais. Bonjour, c'est Coé à l'appareil. On est sur Énergie, comment allez-vous? Ah, ça va bien. Ça va bien, monsieur Caris, quittez pas. Monsieur Bouba. Monsieur Bouba. Mon numéro. Attendez, dans l'annuaire. Monsieur Bouba. Oui, allô. Monsieur Bouba, je vous présente monsieur Caris, monsieur Bouba. Bonjour. Monsieur Bouba. Oui, c'est qui à l'appareil? Monsieur Bouba, je vous présente monsieur Caris. Alors, enfin, vous vous connaissez déjà. Expliquez-vous. Oui. Bonjour. C'est le moment de vous parler peut-être, et c'est le moment peut-être de vous dire un petit je t'aime, c'est symbolique. Ouais, c'est qui là? C'est pour pourquoi? C'est pourquoi? C'est dans quel but? Alors dans un but, dans un but. Calmez-vous, monsieur Bouba. Dans un but d'amour. Est-ce que vous pouvez dire, monsieur, simplement un petit je t'aime? Je t'aime à n'importe qui, et je ne dis pas comme ça. Alors c'est pas n'importe qui. En même temps, c'est pas faux. En même temps, c'est pas faux. C'est symbolique, mais c'est pas faux. Mais ils se connaissent déjà. Excusez-moi, vous avez tiré la chasse d'eau, monsieur Caris, pendant que vous me parlez, ou... Je suis le Niagara, là. Monsieur Caris, fais les toilettes géantes. C'est quoi ce bruit? Non, je suis en extérieur. D'accord. Ah, oui, c'est pour ça. J'ai eu peur. Je suis dans l'eau. J'ai eu peur. Non, c'est pas le bon. Hein. L'autre, il est raccroché. C'est pas le bon. Mais on voulait vous que vous réconciliez les deux. Mais voilà. C'est pas vous le rappeur? Non, pas du tout. Non. Ah, dommage. La voix, elle ressemblait pas. Voilà, moi, je voulais que vous réconciliez. Je suis, par contre, oui, charisme, mais je suis fan de Booba. Ah alors ça. Ouais. Bravo. Voyez. Le paradoxe. Je m'appelle Caris et je suis fan de Booba. C'est énorme. J'adore l'idée. Je vous embrasse, monsieur Caris. Ça marche, merci, bonne soirée. À bientôt, bon courage à vous. Salut. Je vous embrasse. Merci d'être là. On a tenté la réconciliation. C'est énorme. Je m'appelle Caris, mais je suis fan de Booba. C'est mignon. Merci d'être avec nous. On est sur Énergie. Voici Maroon 5. Et juste après, il y aura Kaigo. Et ensuite, Ami Ennemi, Vegan et Boucher, main dans la main. You spent the weekend getting even, ooh. We spent the late nights making things right between us. But now it's all good, babe. Roll out that wood, babe, and let me close. 'Cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl. Maybe I'm barely alive. Maybe you're taking my shit for the last time. Yeah. Maybe I know that I'm drunk. Maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking it's better if you drive. Not too long ago, I was dancing for dollars. No, it's really real if I let you be my mama. You don't want a girl like me, I'm too crazy. Where every other girl you meet is too gazy. I'm sure them other girls were nice enough, but you need someone to spice it up. So who you gonna call? Cardi, Cardi. Coming rev it up like a Harley, Harley. Why is the best food always forbidden? I'm coming to you now doing 20 over the limit. The red light, stop. I don't play when it comes to my heart, let's get it though. I don't really want a white horse in a carriage. I'm thinking more of white horses and carriage. I need you right here, 'cause every time you fall, I play with this kitty like you play with your guitar. Like you, like you, guys, like me, so now I come. 17h-20h, c'est Coé sur Énergie. Vous êtes avec nous sur Énergie. Mercredi, tout le monde va chanter Coupe à la maison. Allez les Bleus, allez. Demain, David Guetta. Jeudi, Kenji. Et vendredi, les Black Eyed Peas. Et vendredi, on partira tous en week-end. C'est moi qui ai grincé? Ouais. Oui. Tu grinces du micro. Coé devient vieux? Pas du tout. C'est pas ça, du tout. Il a juste bougé la tête. Pas du tout, il essaie sa hanche. Oh là là. Petit anticolis. Ça va mieux, ça va mieux. Voici le moment d'amis ennemis. Vous pour gagner chacun peut-être une PS4. C'est magnifique ça comme cadeau. Mais pour cela, nous allons réconcilier des gens qui en théorie ne s'aiment pas. Nous avons d'un côté le vegan Nicolas qui habite en Gironde. Ça va Nicolas? Ouais, salut Coé. Salut mon gars, t'es en forme, tout va bien? Ouais, impeccable, la patate hein. Alors le vegan, on répète pour la ceux qui ne savent pas. Ah bah la patate, il est vegan, hein. Hop, la patate. Eh oui. Hop, la patate, j'ai le quinoa qui est nickel, tout va bien. Bon. Ah, j'ai la pêche. Ouais, c'est bon, qui l'a dit? De moi, c'est moi. C'est de trop, c'est de trop. Il y en a d'autres après. Ouais, ouais. J'ai, ouais. De trop. J'ai la banane. Ouais, c'est de trop. Ouais, t'as raison, c'est vegan. Bon, Nicolas, alors on répète, vegan, c'est celui qui mange pas de viande et pas de choses issues de, des animaux, c'est ça? Voilà, pas de produits animaux, ni les comestibles, les produits de beauté, ni les vêtements. Ah ouais, c'est voilà. Ça, j'oublie ça aussi. Les comestibles. D'accord. On évite, si tu veux, tout ce qui est fait par rapport à la souffrance animale. Quoi. D'accord, d'accord, je comprends bien. Alors moi, par exemple, j'ai fait un gros travail sur moi-même. Par exemple, j'ai arrêté tout ce qui est viande rouge, etc. Ouais. Tout ça. J'en suis encore à poisson. Poisson, on peut pas non plus. Ouais. Non, poisson, on ne peut pas. Oui, mais moi, c'est des poissons qui ne souffrent pas. Moi, je prends que ceux qui veulent. Ouais, d'accord. Tu sais, non, moi, c'est des poissons, ils sont dans l'eau, ils font qui me veut. Et ils se jettent dans le filet. Oui. Et... Ok, j'ai aucun argument. Régis, face oui, à toi. Bah, si tu veux, tu peux manger que de la chapelure sur le poisson pané. Que le mec qui gratte son poisson pané. Ah, moi, j'aime que la biscotte. Mais non, mais l'aime pas parce que ça a touché le poisson, donc tu ne peux pas le manger. Oh, c'est ouf. Laissez-moi, j'y vais petit à petit. Déjà, on enlève la viande rouge, mais ce qui ne va pas plaire à notre ami Boucher. Régis qui est de l'autre côté, ça va Régis? Oui, bonjour Coé, ça va? Salut Régis, ça va? En forme? Ça va, impeccable, toujours. Bon, attention, Régis, tu vas dire bonjour à Nicolas. Nicolas, Régis, c'est peut-être, vous avez, serrez-vous la main. Bonjour Régis, voilà. Bonjour Régis. Le cholestérol, ça va? C'est vrai, non, c'est vrai que la viande rouge, c'est pas top top, hein. Ouais. C'est quand même plein de protéines. Ah bah oui. c'est vrai. Vous êtes prêts? Vous allez devoir tomber d'accord. Voici les questions. Il y a à gagner une PS4. Vegan, Boucher, main dans la main. Première question. Dans quel sandwich y a-t-il le plus de calories chez McDo? Le grand Veggie ou Veggie? Le grand Veggie ou le Big Mac? Ah ben facilement le Big Mac et avec toutes les conneries qu'il y a dedans. Je veux une réponse commune. Faut que vous soyez d'accord. Moi j'irais le Big Mac quand même. Ouais, ben moi je confirmerai aussi le Big Mac. Vegan Boucher, on valide le Big Mac. Ouais. Le Big Mac. Le fromage. Ok, le Big Mac, 503 calories. Le grand Veggie, 763 calories. Et bim. C'est le Veggie qui est. Le Veggie en calories, c'est plus calorique. La vache. Entre un steak de soja et un steak haché, entrecôte, lequel est le plus cher chez Auchan? Steak de soja, steak haché. Même poids. Steak de soja, tu dis? Ouais, soja, moi j'aurais bien dit steak haché parce qu'il y a quand même pas mal de vols sur la viande. Hein. On a pris la viande de bœuf, mais du bon bœuf ou du mauvais bœuf? Non, vous faites pas chier. En moyenne. Du bœuf classique, du bœuf sympa, du bœuf cabrouté, vous voyez? Du bœuf souriant. Voilà. Moi je pense que le cours du soja est assez élevé. Alors mettez-vous d'accord, soja ou bœuf? Vite, 5 secondes. 5, 4, 3. Ouais, bon, allez. Non, on va faire confiance à un boucher. Soja? Sur le soja. Eh ben oui, le soja est plus cher. 17 euros le kilo et le bœuf, c'est 11 kilos au supermarché. C'est soja plus cher. D'accord. En étant vegan, on diminue de combien le risque d'accident cardiaque? 10%, 30% ou 50%? C'est dommage, on ne peut pas faire un sondage sur les bouchers parce qu'il a acheté beaucoup. Oh, le mec qui casse ses mines, ces trucs. Je veux une réponse. 5 secondes, 10, 30 ou 50%? Ouais, je dirais 30. Hein. Ouais, moi aussi, je dirais 30 parce que 50, ça me semble assez gros quand même. Parce La réponse, en étant vegan, on diminue de 30% les accidents cardiaques quand même. Ah, c'est pas mal quand même. Voici la dernière question. Vous jouez la PS4 là-dessus, vous êtes prêts? Ouais, allez, bien sûr. Combien d'animaux sont tués par seconde dans le monde?

en fin de journée? Rien. Eh ben, ça va changer. 1, 2, 3, 4. Coé sur Énergie tous les jours de 17h à 20h. Tu vas enfin kiffer ta fin de journée. 17h, 20h. C'est Coé sur Énergie. On est en public. Merci de nous avoir choisi. David Guetta sera là demain. Un bonheur d'avoir David Guetta en direct et en live avec nous. Dans un instant, nous mènerons une enquête assez particulière puisqu'il y a eu un drame ce week-end à Rennes. Que s'est-il passé? Deux jeunes de 11-13 ans ont cambriolé une crêperie. Alors là, dit comme ça... Thug Life. Ouais, c'est-à-dire que... Ouais. Le gamin, pose ton sirop d'érable. Je pense que les parents, ils ont dû dire « T'auras pas de crêpes », les gamins, ils ont quitté la table. « On s'en fout, on va cambrioler, ouais, on va faire un casse !» Je veux 12 crêpes au sucre. Je veux. Et rajoute de la sauce caramel. Je veux une sauce caramel. Comme s'il comme s'il en pleuvait. Mais bah, et puis prends de la chantilly. Vas-y, abuse pas toi. Prends du cidre. Et du cidre. D'où? D'où? Parce que le parce bruit, que parce que je conduis. Il tape un peu. Je conduis mon vélo. On verra tout à l'heure. On ira mener l'enquête dans quelques minutes. Dans le public, il y a plein de gens. Il y a même des cadeaux qui sont venus. Une demoiselle qui vient avec des cadeaux. Oh là là, tout ça pour nous. Ah, mais ça, c'est donne le micro, donne ça. Le micro, donne le micro. C'est Christelle. Oui, c'est Christelle. Ça va, Christelle? Christelle fait partie des gens qui nous suivent, qui nous met plein de messages tout le temps. Tu as ramené des cadeaux pour tout le monde, mais t'es dingue, Christelle. Tu viens d'où là directement? Lyon? Oui. Mais tu vas dormir où ce soir? Chez une cousine. Oh, d'accord. Bah, c'est gentil d'être venu nous voir. Et tu comptes les amener un jour, les cadeaux? Je suis un peu sur la Parce que ça fait quand même trois fois que je dis il y a des cadeaux pour nous. Mais c'est horrible. Il perd pas le nord, c'est pas pareil. Ah, je veux bien récupérer le sac, il est beau. Voilà, bah, c'est ton cadeau. Voilà, c'est gentil alors. Ça tombe bien. C'est pour moi ça. Alors, c'est ce qu'on va faire. On va ouvrir tout ça très vite pour tout le monde. Et ou pendant le disque, on dira ce qu'on a eu, d'accord? Oui. Fais la distribution, ma petite Christelle. Et puis on l'ouvrira après parce que sinon ça va faire du bruit. Ça va être chiant. Et voilà. En plus, elle les a tout emballées. Ah, j'ai le plus petit. Ok, d'accord. Fais pas cette tête. Non, mais je sais bien que c'est pas la taille qui compte. Ouais, non. La taille importe peu. Mais t'en as deux. T'en as deux. Ça va. Plus petit que précédent. C'est de plus en plus petit. Il en reste pour moi dans la boîte. Là pour Bichette. Voilà. Très bien. Elle a même ramené des cadeaux pour des gens qui ne sont plus avec nous, donc c'est très gentil. Merci. Allez, sympa. Voilà. Et ça, c'est pourquoi? C'est quoi ça? Ah, c'est pas, elle a des cadeaux. Miko, encore, il y a un deuxième cadeau, un plus gros. Ah, ouais, mais Miko, c'est chouchou. Ouais, ouais, oh là d'accord. Là, j'adore. Ouais. C'est mal, j'adore. Tu montres tes deux cadeaux, Miko? Oui. Montre-les-moi. Ok. En termes de taille? C'est pas la taille qui compte. Ah, ok, moi j'ai des merdouilles en plus. Tiens, un porte-clé. Elle est adorable, il y a des trucs pour mes enfants, elle a fait marquer. Il y a des trucs marqués Valmont. Oh, voilà. C'est gentil. Je te fais un bisou, viens, je te fais un bisou, t'es adorable. Merci beaucoup. Ouais. Bon paquet, mais ça a l'air vide. Hein. Venez nous voir dans le studio, vous n'êtes pas obligé d'amener des cadeaux, mais c'est quand même sympa. C'est pas un jambon. Merci Christelle, elle est adorable. Et puis au premier rang, il y a la demoiselle. On m'en a beaucoup parlé de ça. De qui tape dans son micro depuis tout à l'heure? Il y en a un qui tape dans son micro et ça me rend dingue. Il y a quelqu'un qui doit avoir une boîte ou un truc qui tape dans un micro. C'est toi? Non, non, non. Le grand serin là qui tape dans le micro. Mais si c'est toi. Regarde, touche ton micro. Non, c'est pas toi. Non, c'est ça. Si c'est toi. Si. Touche le pied depuis tout à l'heure, le bas du micro. Voilà, c'est toi. On entendait un vieux bruit de fond, c'est pas possible. Il y a l'amoureuse future de Bordas. Si, prends le micro. Ah, arrêtez avec ça. Je t'ai promis que notre responsable des réseaux sociaux irait boire un verre avec toi. Est-ce qu'il l'a fait ou pas? Non. Est-ce qu'il te l'a proposé? Est-ce au qu'il moins te l'a proposé? Comment on parle dans le micro? Dans le micro. La bouche. Quand j'étais avec vous. Depuis, il t'a pas contacté? Non. Bordas! Alors tu honores le rendez-vous. J'ai promis que tu irais boire un verre avec cette demoiselle. Tu vas le faire. Et m'étonne pas que t'as pas le temps. T'as rien à foutre de tes journées. Ça, c'est vrai. On va gérer ça, mademoiselle. C'est comment ton prénom? Charline. Après l'émission, un soir, c'est réglé. Cette semaine, il ira boire un verre avec toi. Reviens demain. Et tu reviens demain. Eh ben, tu sais quoi? Demain, il boit un verre avec toi. C'est réglé. C'est bravo, parti. C'est bravo. Voilà. Dans un instant, on aura Marie-Charlotte de Lyon qui nous racontera qu'elle était seule au lycée, puisque c'est un peu notre dossier solitude. Donc, et on prendra des nouvelles du fils de Stouff. Voilà. Vous êtes seul dans la vie, vous aussi. Même vous bossez, n'avez pas d'amis, dites-le nous. 0800 70 42 48 et on sera vos amis. Non, il n'est pas fait ce qui plaisait pourtant. Tant de déjà fait, tous ces beaux paysages. Là, je peux s'en moquer, mais pousser les nuages, nous devons y pas. Ces pensées à lever sur cette lune, les yeux, pour que nos plumes s'émeuvent et rendent fortune à nos têtes pleines de brume. Ceci n'est pas un d'heure. Sans peur du ciel, oh ni d'éternel. Non, non, non. Le temps a abjuré sans peur du sel, le naturel. D'une note passée, pensée relevée sur cette lune, les yeux. Pour que nos plumes s'émeuvent et rendent fortune à nos têtes pleines de brume. Ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe de la hauteur. Ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire. Et si tu as peur du cadran, oh, regarde bien tous ces gens. Ce n'est pas un rêve, c'est la vie. Ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe de la hauteur. Ah, ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe de la hauteur. Sur Énergie. On est sur Énergie. Vous voulez gagner des cadeaux? Qu'est-ce qu'il y a encore à gagner, Stouff? Casque Bose sans fil. 0870 42 48. Si les casques Bose sans fil, alors. Et donc, vous gagnerez... Je vais le capter. Je n'ai rien dit. Non, non. Je n'ai fait que répéter ce qu'elle a dit. Oui, oui, oui. Donc, et vous gagnerez. Pour ça, il faut jouer tout à l'heure au qui sucer. Non, mais précise, sans fil en deux mots. Bien sûr, voilà. Bah, évidemment. Voilà. Donc, je vous jouerai au qui sucer. Il faudra trouver un objet. Pas que je tiendrai dans la main aujourd'hui, on ne fait plus. On s'est rendu compte que c'était un peu trop facile la dernière fois. Là, on fera un objet plus long, plus gros. Auquel tu penses. Elle vient de piger. Bah oui. Les cadeaux, vous avez eu quoi comme cadeau par notre auditrice Bordas? Moi, j'ai eu un hashtag en lumière, comme une lampe. C'est génial. Ah oui, en lumière. Ah, c'est très mignon, très mignon. Ouais, c'est bien, très beau cadeau. T'as dit merci? Bien sûr. Miko? J'ai eu des choupa choups, des. Comment ça s'appelle ça? Rochers. Des rochers et une casquette Pépito. Ah, génial. C'est drôle, c'est charmé, énorme. Jeff? Moi, j'ai eu un mug avec mon nom et une photo avec moi et Bumbo. Oh. Mais non. Avec ta chérie? Mais ouais. Comment t'as fait? Avec ma chérie, regarde. C'est génial. Bon. C'est énorme. C'est génial. C'est une notoriété. Qu'est-ce que t'as dit, Jordas? Qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit c'est énorme. Comment elle a fait? Qui a dit comment c'est fait? Non, j'ai dit comment elle a fait. Ah bah elle a regardé la vidéo, tu sais, qui est sur notre chaîne YouTube, puis elle a fait un transfert. Ah oui, c'est vrai, c'est cette photo. Imprimé écran et ça va mieux, toi. Il est pas malin. Stouff, t'as eu quoi? Un joli bracelet. Très bien. Merci, bon, Bichette. J'ai eu un mug en forme de manette de PS4. Très bien. Ouais, et moi j'ai eu un magnifique t-shirt avec une tête de mort avec un casque. Ah, il est très beau. Ah, pour mixer, nickel. Très beau. Et puis un petit bouquin avec plein de photos d'auditrices, je suppose, non? Un petit bouquin souvenir avec plein de photos de la tête de plein d'auditrices. Ah, top. Oh, c'est mignon. Ah, surtout toi, mais plein d'auditrices. Et surtout toi, merci beaucoup. Merci beaucoup, Christophe. Merci beaucoup. C'est gentil comme tout. Dans un instant, nous mènerons l'enquête sur le cambriolage. La crêperie. Qui a eu lieu dans la crêperie. Ah ouais. Bien sûr. Du côté de Rennes. C'est l'histoire. Hein. Voilà. Alors, le gang a été chopé par la police. Mais nous n'en resterons pas là. Bien sûr. Voilà, puisque nous pouvons faire d'autres représailles. Oui. Alors, dans un instant, nous en parlerons. Pour l'instant, Lucia, on revient sur le débat de ce soir, tout seul à l'école. Ça va, Lucia? Oui, ça va, et toi, Koé? Oui, magnifique. Tu habites Nancy, la vie est belle? La vie est belle. Bon, alors, est-ce que t'étais comment quand t'étais au lycée? Toute seule ou avec du monde? Oh, j'étais toute seule, c'était la 14. Voilà. Ah, il y en a beaucoup, hein. Ah, oui. Donc, tu sais, depuis tout à l'heure, on a parlé de ça, on a eu énormément de messages de gens qui nous disaient, bah moi aussi, quand j'étais à l'école, j'étais tout seul. La solitude. Et alors, pourquoi? Ben, si je le savais, je me serais fait des amis, figure-toi. Ouais, c'est pas idiot. C'est pas idiot. Ah, il est con celui-là. C'est pas idiot, je vais peut-être quitter l'émission maintenant, 19h06. Excuse-moi, c'est des mauvais souvenirs. Comment? Elle se fout un peu de ta gueule. Oh, légèrement, oui. Un peu, le. Oh, bon, on a lundi, je l'espère. On se discrète. Honnêtement, je sais pas, enfin, j'étais un peu renfermée peut-être aussi. Ouais. Bah voilà, c'est souvent la même chose quand même, non? C'est qu'on se sent pas bien, donc quand on se sent pas bien, on se renferme, et quand on se renferme, les autres viennent pas. Exactement. grosse crise d'adolescence, quoi. Et ça a été quoi alors le déclenchement? Ou alors, à moins que tu sois toujours toute seule? Non, mais en fait, j'étais une des seules du lycée à avoir mon propre appart, parce que moi, j'habitais pas à Nancy à l'époque. Et du coup, j'ai fait des soirées pour m'intégrer. Ah ouais? Donc après, je n'avais plus d'amis chez mes voisins. D'accord. Donc, tu as fait des soirées, et donc, à force de faire des soirées, tu veux dire qu'ils sont venus, puis tu t'es fait des copains à l'école, et finalement, tu t'es fait du monde. Ouais, voilà. Ça s'est amélioré vers la fin, on va dire. Jeff a dit, j'ai connu ça, pourquoi? Oui, parce que moi, la dernière année de lycée, comme j'ai arrêté le lycée au milieu, que je suis revenu le finir après, j'avais 21 ans, j'étais plus vieux que les pions, et c'est difficile de se faire des potes avec des gens beaucoup plus... Bien sûr que si, j'ai passé le bac à 21 ans. Donc, j'étais plus vieux que les profs. J'étais plus vieux que les pions, là. Je te jure. Et du coup, j'ai eu du mal pendant les 2-3 premiers mois où je suis revenu au lycée pour me faire des potes parce que c'était que les bébés, quoi. Mais c'est normal, les gens ils t'appelaient bonjour monsieur. Mais je croyais que j'étais prof. Monsieur, elle est où la salle pour les cours? Je ne sais pas, je cherche également. C'est vrai, après ça a été parce que justement ils ont dit c'est cool, c'est le grand. Mais en fait, j'ai l'impression que le point commun de tout ça, c'est un peu d'inviter. Quand t'es plus adulte, quand t'es au lycée et tout, c'est d'inviter genre au bar ou chez toi. Et quand t'es plus jeune, c'est d'organiser des goûters pour tes enfants pour qu'ils se mettent avec les autres. Je pense, ouais. Ça a l'air d'être la meilleure solution. Maintenant, ça va mieux, Lucia? Oui, ça va mieux, ouais. Un chéri, oui. Oh, j'aime bien. Allez, je te fais un gros bisou, je t'embrasse. Bisous. Bisous, ma belle, à bientôt. Faut que j'appelle ton fils, toi, faut que je prenne de ses nouvelles. Je rappelle que l'idée est venue de là, puisque le fils de Stouff est donc, il était tout seul à l'école. Oui, pour la rentrée, ouais. Pas d'amis. Pas de copains. Rien. Seul dans sa cour d'école. Et croyez-moi, jouer au foot seul, c'est pas drôle. Passe à moi-même, qui repasse à moi-même. Et but de moi-même dans les buts. Et but de moi-même, puisque je l'avais raté. J'ai raté, j'ai pas pu faire gardien. On a essayé de l'appeler sur quel truc? Allô? Tu m'entends? Ah non! Dis vite, baisser la radio. Oui, tu m'entends? Baisse la radio! Il sait qu'on parle de lui, hein. T'as vu, il écoute, hein. Il écoute maman, il est mignon. Allô, tu m'entends? Mais t'es parti où là? Parle dans le téléphone. Parle dans le téléphone, faut baisser la radio et... Voilà. C'est Coé, comment ça va? Ça va bien. Tu n'as pas baissé la radio? Hein? Tu n'as pas... Tu cherches, hein? Je commence à comprendre, hein? Ouais, ceci explique ça. Là, ceci explique là, il est en train de parler à la radio, là. C'est bon, tu m'entends? Oui, j'entends. Voilà. Alors, comment ça va? Tu es à l'antenne, donc ne dis pas de bêtises. Bon, comment ça s'est passé à l'école? Nous, on veut savoir. Est-ce que tu t'es fait des copains? Pas. Parle bien dans le téléphone. Enfin, je sais même plus quoi dire. Je sais trois plus. Copains. Combien de copains? Trois. Trois copains. Mais c'est bien. Mais voilà. Mais tu sais qu'à ce rythme-là, trois copains en une semaine. Mais à la fin de l'année, mon grand, mais t'es le roi. Voilà. Non mais attends, c'est qui ces copains? Alors, c'est quoi les prénoms des copains? Laura, Pierre et Gabriel. Laura, Pierre. Oh, il y a une Gabriel. Fille. Et Gabriel. Non, oui, Laura. Oui, Laura, oui. C'est une fille. Très bien. Et alors, ils sont sympas? Oui. Et t'es plus tout seul? Il y a un décalage, je crois. Oui, il y a un petit décalage, oui. Je dois passer par New York, là, je pense. Comment tu as fait pour les avoir comme copains? Tu as dit, si jamais vous n'êtes pas copains, ma mère vous mangera? Qu'est-ce que tu as dit? La fameuse menace? Comment? On comprend que dalle quand tu parles. J'ai envie de parler dans le téléphone. Mon grand, à mon avis, parle dans le téléphone, parce que... Parle dans le trou. C'est ça que tu dis à ton fils, toi. Parle dans le trou. C'est qu'il n'est pas con, il sait ce que c'est qu'un téléphone. Hein. Elle parle dans le trou. Elle parle dans le trou. Gamin, dès qu'il va avoir un trou, il va parler dedans. Voilà, je t'entends. Parle dans le téléphone. Donc ils sont contents? T'es content d'aller à l'école? Oui. Eh ben, c'est génial. On le saoule, là, en fait. On te saoule? Qu'est-ce que tu faisais? Rien. J'étais en train de rien faire, mais vous me saoulez pendant. Je préférais rien faire. On te fait un gros bisou, on t'embrasse et on est content pour toi, d'accord? D'accord, au revoir. Au revoir. Il est mignon, ouais. Il est mignon. Mais attends, tu laisses ton fils tout seul à la maison? T'as raison, je vais appeler la DAS. Je vais, par contre, je pense que je vais t'augmenter, Stouff, que tu puisses acheter un téléphone décent parce qu'on comprend que dalle à ce que dit ton fils. Sinon, on aurait dû appeler la nounou. Non, mais que le gamin dise j'ai plus de nouilles ou j'ai de la température, je suis malade, on entend la même chose. C'est incompréhensible. Je vais régler ce problème. Dans un instant, nous mènerons l'enquête pour la crêperie qui a été cambriolée. Est-ce qu'on est toujours bien classé avec le hashtag? On est toujours numéro 1. Bravo, c'est quoi le hashtag de ce soir? C'est je kiffe mes potes, sauf quand. Eh ben, on en parle dans un instant, on lira plein de vos tweets. 17h-20h. C'est Coé sur Énergie. Ça va être magique encore demain. Et puis tout à l'heure, je vous disais que quand on mange moins de viande, on vit plus longtemps. Je vous assure que c'est vrai. Un professeur en Italie a fait une étude. D'après sa dernière étude, écoutez-moi bien, si on supprime de notre alimentation, supprimer, hein, pas moins manger, supprimer, ouais, la viande, la charcuterie, oh, et le fromage. Oh, mais mec, y a... c'est la vie de Jeff, hein, là, que ouais, là, je viens de résumer. Oh, mon cœur. Et qu'on les remplace, écoute bien les mots que je vais utiliser, Jeff, tu les as très peu entendus, par des légumes, des céréales, des fruits et de l'huile d'olive, on peut vivre 30 ans de plus. De l'huile d'olive? Oui, mais faut pas la boire comme ça. Moi, tu me dis mais ça. Mais non, si on te demande pas de boire de l'huile d'olive, c'est okay, de consommer un petit peu d'huile d'olive, des fruits, des céréales non sucrées, et des légumes, on vit 30 ans de plus. C'est énorme quand même, 30 ans en plus. T'imagines, on va vivre jusqu'à 110 ans. Oh, vous avez envie, vous, de vous endormir jusqu'à 110 ans avec la seule vision sur votre table de chevet, vos dents qui trempent dans le verre? Et jusqu'à tes 110 ans, les 20 dernières années, tu vois tes dents. Bah, non. Bref, je vais peut-être reprendre un peu de viande ce soir. Alors, ça ne vous dérange pas. Restez avec nous, on est dans un instant, on parlera de ce braquage. Ah, ils n'en ont pas encore parlé dans Crime chez Morandini, mais ils vont le faire. Le grave braquage de la crêperie par deux enfants de 11 et 13 ans. L'affaire, on en parle dans 3 minutes. Gagnez 10 000 euros dans le cash-cash sur Énergie avec Coé à 17h30. Je prends l'enveloppe. Marilyn, j'ai le plaisir de te dire que tu gagnes 10 000 euros. Ouais,

be. Yeah. When you try to come for me, I keep on flourishing. Yeah. And he said the universe when I'm the company. Is a be. Je fais mon interrogation écrite. Bonsoir. Qui êtes-vous, prénom ? Bonsoir, Jeff. Bonsoir. Horaire d'émission ? Horaire d'émission 17h-20h. Oui, ok, très bien, très bien. Miko, sur quelle radio ? La radio Énergie. Ok, très bien. Stouff, nom du directeur des programmes ? Je sais pas. Non. Non, c'est pas la bébête. Oh là là. Ton fils qui écoute, là, qui prend exemple sur toi, il va dire ma mère, c'est une teubée, elle sait pas comment il s'appelle son patron. Elle a pas de copain. Morgane Serrano. Voilà, et Gaël. Voilà, Gaël, il écoute, il est vexé, d'accord. Voilà, d'un coup, t'as pas dit son nom. Moi, je le savais. Tu le savais bien. Qui vient mercredi ? Mercredi, nous avons Vegan. Végédrim. Le mec végétarien, c'est bon. Il y aura pas sans viande, là, qui vient ? Végédrim. Le rêve sans viande, là. Végédrim, pas vegan. Vous savez. Si vous habitez. C'est où, samedi ? Maubeuge. Maubeuge, on est en pleine préparation de la tournée du One Man. Là, on va faire une tournée de rodage du One Man. Autant vous dire que les villes, là, je commence à toutes les mélanger. Ah oui, là, il y en a plein. Maubeuge, samedi pour le NMT avec plein de stars, donc NJ. Jennifer sera là-bas. Oui. Et je serai là-bas et je vais mixer à la fin. On va se faire un truc de ouf. Tu vas mixer pour de vrai ? Ouais. Ah ouais, c'est vrai ? C'est vrai ? J'ai tout prévu, bien sûr, je vais faire un set de ouf. Non, j'ai tout prévu, ça va être magique. Quelqu'un voulait dire quelque chose, monsieur Bordas ? Nous sommes toujours en TT France. On est toujours numéro 1. Le hashtag de ce soir ? Je kiffe mes potes sauf quand. Eh bien, on y va. Il y a Soso qui nous dit : je kiffe mes potes sauf quand ils mettent 3 heures à répondre aux textos alors qu'ils sont H24 sur leur téléphone. Mais alors, ça, je suis. Alors, ça, voilà. Alors, merci. Non, c'est la charité, quoi. Qu'est-ce qu'il y a ? Je vous laisse vous expliquer, ceci est un procès équitable, allez-y. Je t'envoie beaucoup de SMS dont, allez, 80% importants pour le boulot, tu ne réponds jamais dans l'heure. Ah bah ça c'est sûr. Nico, tu voulais dire la même chose ? Je confirme. Tu choisis à qui tu réponds. Mais non, voilà. Mais c'est que des fois il y a rien à répondre. Bah si. Bah si, quand on pose une question qu'on attend de toi une réponse. Juste un OK à la limite. Quand je t'envoie, on parle plutôt de ça ou ça ce soir dans l'émission. Bah là tu peux mettre OK. je vous trouve un peu, parce que je le fais. Je le fais. Non, je réponds je vous trouve un peu Tu réponds. Écoutez, c'est un petit peu de la chasse aux sorcières là, ce que vous faites. Je trouve que je réponds assez souvent et assez vite à vos SMS. Remarque, on a fait la même chose. Hein. Quand tu nous as engueulé, voilà, personne n'a répondu. J'ai envoyé un SMS global d'engueulade à toute l'équipe. Alors là, 23h15, tout le monde était couché comme des poules. Tous les soirs, je vous explique ce qui se passe. Tous les soirs, cette équipe m'envoie des messages, genre à minuit, qui envoie une photo. 23h15. Miko, c'est le spécialiste des photos figées des mecs, il envoie une photo 23h15. Minuit et demi, les mecs renvoient des trucs, genre ha ha ha, lol, machin. Il y a même des gens qui sont dans ce groupe, je sais pas qui c'est. Je vois des noms. Oui, c'est vrai. Il y a des gens qui disparaissent aussi. Voilà. De ouf. Et alors, moi, je leur envoie un message d'engueulade 23h15, comme des poules, tous couchés. Personne. Oui, tous couchés. Et derrière, tu m'appelles à minuit. Bon, bah, je dormais. Hein. Ah, mais des fois, un jour, il m'a appelé, j'étais dans mon bain. J'ai dû décrocher, j'étais dans mon bain. Mais je m'en moque de ce détail. Bah oui. Ouais, mais j'étais en FaceTime quand même. Il y avait pas assez de mousse. Vite, j'ai fait de la mousse. Non, ce serait gênant. Répondre en plus. Ce serait gênant. Bon, allez, on y va. Autre hashtag. Encore un. Il y a Manon qui nous dit : je kiffe mes potes sauf quand ils spoilent la fin d'une série ou d'un film que je regarde en ce moment. Ça, c'est relou. Quand les gens parlent d'une série et disent la fin sans le voir, c'est vrai que c'est dur. Un autre ? Un dernier, il y a Dina qui nous dit : je kiffe mes potes sauf quand c'est leur anniversaire et que je suis obligé de payer leur cadeau. Et de participer. Ouais, mais ça, c'est normal. Tu te participes. Cagnotte Litchi. Ça va, une petite participation. Faut pas être pingre à l'anniversaire. Après, faut pas avoir trop de potes. Hein. Parce que quand vous avez trop de potes, c'est le piège. Vous êtes obligé de payer pour tous les. Non, c'est vrai. Faut pas. De toute façon, faut pas en avoir trop. petit peu. Moi, je dis 3-4 vrais amis, c'est beaucoup. Mais oui. C'est ça que t'as envie de dire au fils de Stouff. Bah, il est dans la norme, il en a 3. Voilà, 3 amis. Mais oui, c'est plus très d'argent. Bien, voyons. De toute façon, il est chelou ton fils, il capte pas quand il parle. Il est bizarre, il nous a parlé. Bah, nous moi, a parlé tout à l'heure, j'entendais. Il, peut-être qu'il capte pas dans la vraie vie. Il parle normalement à la maison. Oui, il parle normalement. S'il te plaît, ça va, oui. Oh. Il passe sous un tunnel. Il est crypté dans la vie. Même quand tu le vois, il est crypté. Non, mais de toute façon, t'aiens pas les enfants, alors qu'est-ce que je te dise. Ah, si, si, si, les miens. Oui, les miens. Et encore, ça dépend des jours. Ça dépend des fois. Des fois, je les ai mis sur le bon coin pour voir. Non, pour tester. Je les ai mis pour voir si ça partait. Et ça part pas. J'ai retiré l'annonce, ça partait pas. C'est une blague. Dans un instant. Hey, on va la faire un jour cette crêperie ou pas? Après. Parce que là, j'ai l'impression que ça fait depuis deux jours qu'on dit dans un instant la crêperie. Avec la chance que j'ai, elles vont toutes être fermées. On a ça maintenant. On en aura. Bah, ça ouvre maintenant les crêperies, normalement. Dans un instant. Crêperie. Mais qui a donc fait ce cambriolage dans la crêperie? Plus le qu'est-ce c'est. Un jeu, si vous trouvez le qu'est-ce c'est, vous gagnez un beau cadeau. So just when the world's saying they got no hope, here comes the love, we got audio. I'm flying high, superhero, S on my chest with my Marilyn Monroe, feel like a star, cause we got audio. Notre vidéo de Koé, c'est Hater. Si vous ne l'avez pas vue, voilà, c'est la vidéo où je me fais, donc on peut se le dire, défoncer. Oui. Défoncer quand t'es pas là. Oui. Et quand je reviens, hey. Ah, il a de beaux yeux. Ah oui, oui. Ah, ouais. Vous l'avez vu ? Elle est forte, cette vidéo. C'est génial. J'aime beaucoup. Donc allez la voir, elle cartonne, elle est 5e des tendances France. Et je voudrais saluer donc Gaël, notre directeur des programmes, qui m'a envoyé un SMS en me disant, c'est vrai, tu mets du temps à répondre au SMS. Merci. Il confirme donc. Tu vois. On lui répond pas tout de suite. Oui, attends un peu. Non, je l'ai pas vu d'ailleurs. Je l'ai pas vu. Donne-lui raison. Non, mais c'est vrai ça, que tu mets du temps. Ça, par contre, c'est ce qui est très pénible avec WhatsApp. Parce qu'avec WhatsApp, quand t'as vu le message, l'autre voit vu le message. Tu peux faire en sorte qu'on le voit pas. Et WhatsApp, généralement, quand t'écris, les autres peuvent voir que t'écris si t'as pas fait attention. Oui, c'est vrai. Et les gens, ils te disent, ça va? T'étais connecté? T'as pas répondu à ma question? Et tu peux pas dire que t'étais pas connecté. Mais je crois que tu peux le cacher, ça aussi. Ouais, bon, enfin, il y a un moment, ils sont pénibles, les gens de chez WhatsApp. Ils pourraient faire des trucs un peu. En même temps, c'est pas sur WhatsApp, c'est par SMS que tu réponds. Oui, pas. Bon, bah, peu importe. Voilà, ce serait. Et il y a même pire, tu réponds pas, mais des fois, tu réponds par une autre question qui n'a rien à voir avec la question qu'on a posée. Et attends, par contre, tu gueules si on répond pas à ta question à toi. Non. Des exemples. Si tu réponds pas au téléphone, c'est le pire. Et si on passe à la crêperie? On n'a pas déjà fait. Ça fait 2 heures qu'on la tease. Ramenez la crêpe à la maison. Demain, il faut qu'on trouve plein de versions différentes. C'est après-demain pour Végédric. L'affaire de la crêpe. Je reviens sur cette affaire. Un cambriolage terrible ce week-end à Rennes, quelque part en France. Une crêperie a été cambriolée par 2 jeunes de 11 et 13 ans. Alors, ils ont cassé la vitrine, ce qui n'est pas bien, à 1h du matin. Et évidemment, ils se sont fait choper tout de suite par la police. Mais on ne sait pas. La police des crêpes. Oui. La police crêpière. Mais on ne sait pas ce que les mecs voulaient. Que quand t'es un gamin, est-ce que tu braques une crêperie pensant que tu vas trouver de l'argent? Auquel cas, c'est peut-être pas l'endroit où il y a le plus de, bah oui, de monnaie. Ouais, hein, ouais, c'est sûr. Ou alors, ils y allaient en se disant, les gars, on va avoir les crêpes du mat. J'ai la dalle. J'ai une dalle. Maman, on l'a pas racheté de granola. Alors hop, je défonce. Mais non, mais qu'est-ce que tu peux espérer faire en cambriolant une crêperie? Ah ouais, rien. Bah, la caisse, quoi. Je pense que ça doit être ça. Il n'y a rien. Bah, en bah, non, y a rien, et puis, les restaurateurs, ils prennent leur caisse, ils partent bien avec sûr l'argent. Ouais. Tu pars avec quoi, la raclette? Le truc pour. Non, mais je vois pas ce que tu peux cambrioler. Bon, les gars. Ouais. On est donc un gang. Ok. Ok. On est tous les. Ok, on a un gang, on prévient les autres crêperies qu'on peut encore sévir. Ah, ok. J'en ai une, peut-être dans la rue, c'est peut-être eux. Bon, enfin, je sais pas, on va en faire une autre. Allez, bim. Crêperie, Rennes, on est parti. Attention. Je préviens de notre prochain larcin. Allô, oui, c'est la crêperie? Tout à fait. Oui, bonjour madame. Bonjour. Vous avez entendu parler du cambriolage de la crêperie qui a eu lieu à Rennes ce week-end? Pardon? Est-ce que vous avez entendu parler du cambriolage de la crêperie ce week-end? De quelle crêperie? Crêperie rue de... Laissez-moi. Où c'était? Saint-Georges. Rue Saint-Georges. Voilà, oui, visiblement. Mais qu'est-ce que c'est? Ces gens qui raccrochent. Ah ouais. Mais pourquoi? Je m'en fous, je rappelle. J'y retourne. T'as un cambrioleur qui appelle. Mais non, mais c'est fou. J'appelle pour prévenir et on y retourne. Tu peux me mettre... Je crois que c'est la voix en fait qui l'a bloqué un peu. Ah oui, mais si j'appelle et que je dis ouais, bonjour, je m'appelle Kevin, j'ai 11 ans. Trop viril. Je peux avoir le numéro s'il te plaît? Tiens, tiens, tiens, c'est bon, c'est bon. Guy Claude, c'est bon, merci, c'est bon. Beaucoup. Voilà, on y retourne. Et après, j'ai peut-être la vraie, celle qui a été cambriolée. Allô? Fax. Putain, on est sur écoute. Ok, bon, on est sur écoute. Fou, on est passé à ça, les gars. On s'est fait bipper. On est passé à ça. J'ai une autre crêperie. C'est peut-être celle-là. Ils disent pas le nom, mais c'est la bonne rue. Peut-être que c'est devenu un sujet tabou. Il y a peut-être une grosse angoisse. Le gang de la crêperie, peut-être que ça fait flipper, on se rend pas compte. Nous, on est détachés, ça nous fait rire. Peut-être que là-bas. Allô? La gavotte Aurélie, bonsoir. Oui, bonsoir. J'appelle, c'est pas vous, le cambriolage de la crêperie, c'est pas vous? Le cambriolage de la crêperie, ah ouais. Non, c'est pas nous. Voilà, ouf. C'est pour vous dire, vous m'entendez là? Oui, je vous entends. Voilà, c'est mon gang qui est intervenu ce week-end. C'est votre gang qui est intervenu ce week-end? Ouais, tout à fait. Donc on est 3, hein. Moi c'est Kevin Nutella, je suis avec Kitoff Fromage et Farid de Froment. Ok, donc c'est une blague. Pas du tout. Nutella, du Froment, je sais pas quoi, gang. C'est des noms de code, on va pas donner nos vrais prénoms. Jamais. Oui bah écoute, on est en plein service mon grand. Si t'es pas content, t'appelles une autre crêperie, tu vas faire chier une autre crêperie, ok? Eh madame, on chie pas dans les crêpes déjà. Calme-toi. Bah t'es sûr, comment tu parles aux gens? C'est qui là au téléphone? Bah vous me parlez super trop mal. C'est Chandler. C'est Chandler, ma mère il me rend. Elle est marrante. Elle est marrante, elle a raccroché. De toute façon, elle n'a pas kiffé. Bravo! Elle est marrante, elle a raccroché. Ouais, de toute façon, elle était sur le point de raccrocher. Je crois que ça la fait pas rire. Ouais, mais je crois que quand elle regarde Friends et qu'elle voit Chandler, elle fait ah, c'est pour moi ça, voilà. Écoute mon grand. Dans un instant, le que ce, on aura Anissa qui va jouer au que ce, avec nous. Ça va, Anissa? Salut Koé, salut ma belle, ne bouge pas. Toi en live d'Alsace et Silver, ça va Silver? Ouais, c'est Sylvain. C'est Sylvain. Okay. Il y a écrit Sylvain. Oh, le mec est aveugle. Ok. Il y a écrit Sylvain sur mon écran. Tout le monde dans la famille, mais ça prend du temps. J'ai même parlé de notre avenir à tes parents, mais ils m'ont dit d'attendre. J'ai fait tout ce que ton père m'a dit, mais il est jamais content. Et s'il décide d'être l'ennemi de notre amour, il sera forcé d'entendre. Je briserai les chaînes comme Django, Django. Je briserai les chaînes comme Django, Django. Je briserai les chaînes. chaînes comme Django. Django. Je briserai les chaînes comme Django. Django. Yeah. Ils veulent nous éloigner, donc il sort toutes sortes de foutaises. Et quand je lui demande quel genre d'homme il te faut, il me dit comme toi mais pas toi. Laisse-moi le calmer, il faut que son cœur s'apaise. Laisse-moi lui montrer qu'il a tort de penser qu'un autre t'aimera bien plus que moi. Il veut que tu te maries, que tu fondes une famille avec n'importe quel autre homme que moi. Il me voit comme celui qui vient lui voler sa fille pour te retenir, il abuse de ses droits. Je veux bien être gentil, papa, mais même toi tu peux pas nous bloquer. Donc on va parler d'homme à homme, car c'est ma vie là et tu m'empêches d'avancer. Je veux que tu portes mon nom de famille, mais ça prend du temps. Je veux parler de notre avenir à tes parents, mais ils m'ont dit d'attendre. J'ai fait tout ce que ton père me dit, mais il est jamais content. Et s'il décide d'être l'ennemi de notre amour, il sera forcé d'entendre. Quand je briserai les chaînes comme Django, Django. Je briserai les chaînes comme Django, Django. Je briserai les chaînes comme Django, Django. Je briserai les chaînes comme Django, Django. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir dans son cœur une place? J'ai fait l'impossible pour que ce soit possible. Il me voit comme un bon à rien, mais dis-lui que je suis bon dans tout ce que je fais. Dans ma vie, je sais où je vais. Contre ses choix, je refuse, je m'impose. C'est toi mon choix et pas une autre. Laisse-le croire qu'on poncera droit dans un mur. Change pas d'avis de nous, je suis sûr. Dis à ta mère, je prendrai soin de toi avec ou sans son accord. L'affaire, je lâcherai pas. Je compte pas t'abandonner. Sache que je veux que tu portes mon nom de famille, mais ça prend du temps. J'ai parlé de notre avenir à tes parents, mais ils m'ont dit d'attendre. J'ai fait tout ce que ton père m'a dit, mais il est jamais content. Et s'il décide d'être l'ennemi de notre amour, il sera forcé d'entendre. Quand je briserai les chaînes comme Django, Django. Je briserai les chaînes comme Django, Django. C'est Coé sur Énergie. Demain, il y a David Guetta qui sera là. David Guetta sera notre invité demain. Donc, je veux que ce studio soit transformé en discothèque. Ah, je veux que David se sente dans son élément. C'est quand même okay. Pas mal tout ce qu'on a non, ici. Bah, vous savez quoi, il y en a au plafond, je veux qu'on en rajoute au sol demain. Voilà, au sol. Nous serons le premier studio de radio qui a de l'éclairage au plafond et au sol. Ouais, ils font un bar aussi. Hein. Ah là, non, arrête, toi, oh là là. Tout le temps. Excuse-moi, dans les boîtes. Non, tu penses qu'à toi, là. Oh là là. Et il y a un mec qui vend les merguez devant. Moi, je tout ce qu'il arrange. C'est pas David Gâteau qu'on reçoit, c'est David Guetta. Tu parleras bouffe plus tard. Donc il y aura des spots partout. Demain, je veux qu'on donne des machines à fumer. Faut qu'on ait des trucs demain. Ok. Je veux jouer. Demain, c'est pas quoi, mais... une discothèque demain. D'accord. Demain, c'est une discothèque. Ah, des danseuses. Non, on n'exagère pas. On n'a pas, si. Pas le budget. Non, déjà, c'est machine à fumer ou danseuse. Moi, je serai le vestiaire. Ah, bah danseuse. Et bah non, ce sera machine à fumer. Danseuse à fumer. Kenji, qui sera notre invité jeudi. Danseuse à fumer. N'importe quoi. Kenji viendra jeudi. Et alors, on apprend que Kenji va lancer sa propre marque de vêtements. Ah ouais hein. Voilà, c'est tout frais d'aujourd'hui. Donc, ça tombe bien qu'il soit là jeudi. Comme ça, on essaiera peut-être d'avoir des modèles avant tout le monde. J'en cherche encore le nom. Ah, bah voilà. On a trois jours pour trouver le nom de sa marque de vêtements. Ah, il n'a pas de marque, lui? Il n'a pas encore le nom. D'accord. Il cherche. Il me dit, mais c'est dans les tuyaux. Mes vêtements seront assez flashy, comme ceux que je porte d'habitude. On a besoin de couleurs vives. Elles représentent le soleil et la joie. C'est pas mal, non? Il a dit, on a tous envie d'être beau, comme Drake ou Pharrell Williams, d'avoir le swag. Moi, quand je suis mal sapé, je me sens mal. C'est vrai que c'est agréable d'être bien sapé. Bah, tu te sens bien dans ta peau. Ouais, mais pas le dimanche. Pourquoi? Bah, le dimanche, t'es en mode cool à la maison. Vieux jean, t-shirt. Comme aujourd'hui, quoi, lundi. C'est les gens dimanche, mon père. Jean, t-shirt. J'en parle pas. Basket. Merde. T'es habillé en dimanche, en fait. Oui. Excusez-moi, j'ai oublié de me changer. Attention. Sylvain contre Anissa. Anissa contre Sylvain, le public va vous applaudir. Tiens, voilà, pour vous dire bonjour. 3 contre l'Alsace. Anissa, tu es où en Alsace? Vers Strasbourg. Oui, mais où? Je veux connaître le nom, le nom qui finit par Scheim. Non, Bichwiller. Bischwiller. C'est à côté de Fichtigheim, pas loin de Schilsheim, sur la route de Drulsheim. Oui, voilà, c'est un truc comme ça. De là, à côté de là où est tombé Scheim. Pardon. Allez, on fait une. J'adore l'Alsace. Hein. J'ai hâte de venir vous voir pour le marché de Noël. Et tu on adores Scheim aussi. Quand même. J'adore Scheim aussi, bien sûr. Et on a. Attention, je vais sauter. On a Sylvain qui lui est de Troyes. Ça va, Sylvain? Oui, ça va, et j'habite à 30 km d'un endroit que t'es venu il y a pas longtemps, en Igloland. Ah oui, on est allé faire un tour avec toute l'équipe. Vous savez quoi, c'est, alors je vais être honnête avec vous, c'était un parc d'attractions que je ne connaissais pas bien. On y est allé, on a été invité avec toute l'équipe et on a surkiffé. Ah oui, ouais, c'est très sympa. On a, et puis le mec était adorable. On a quoi, ça donne de l'effet la tour, hein. Ah oui, je l'ai pas fait. Nicolas fait, moi je l'ai pas fait. Mais ça, rien que d'en bas, ça m'a fait de l'effet. Voici le jeu. Très sympa, sauf quand toi tu prends les commandes en fait. J'ai pris les commandes de la tour, c'était. Oui, oui. C'était moins bien. C'était moins bien. Attention, Sylvain, Anissa, le qu'est-ce que c'est ? Écoutez-moi bien. Je vous donne des éléments, je vous donne des indices. Le premier des deux qui me trouve le qu'est-ce que c'est ? Gagne quoi, Stouff ? Un casque Bose. Un casque Bose. Sans fil. Vous êtes prêts ? Sylvain, Anissa, attention, il va falloir y aller, hein. C'est pas le jeu où je suis timide caché dans mon téléphone. C'est le jeu où il faut balancer des idées. On me prend à 2, 3, 4 ou 5, voire plus. Non, elle n'est pas autour de cette table. On me prend à 2, 3, 4, 5, voire plus. C'est un objet. Une table ? Non. Non. Je prends la table, non. Une voiture ? Non. Des fois ? Un port USB ? Un port. Oui, tu peux en avoir plein. Oui, c'est vrai, c'est pas idiot, mais non. On me prend. Des fois, j'ai des pannes. Une voiture ? Non, c'est idiot. Des fois, j'ai des pannes. Thierry Perfouras. Tout le monde. Un ordinateur. Un bus ? Un bus ? Un bus, Sylvain, t'as dit un bus ? Oui. C'est pas ça. T'es horrible. Des fois, c'est le Perfouras, on touche à mes boutons. Une télécommande ? Non. Un portable ? Non. Une console ? Il ne vaut mieux pas péter en moi. Une télé ? Il ne vaut mieux pas péter en moi. C'est que je trouve pas là. Si jamais je lâche, t'es mort. Une bombe ? Mais non ! Bienvenue dans le jeu, il faut trouver une bombe. Mais non, mais non. Non. C'est dur là. Ouais, j'avoue. Ouais. Pas trouvé. Je peux t'emmener au 7e ciel. Ah si, je l'ai. Une partout. Pas de la mais on peut nous prendre à 2, 3 ou 4, t'as dit. Le mec, il dit une partout. Non, un objet. On a dit que c'était un objet. Je peux t'emmener au 7e ciel. Une fusée ? Il y a plus simple, hein. Un avion ? Un avion ? Des fois, j'ai des pannes. Non, on me prend à 2, 3, 4, 5, voire plus. Un hélicoptère ? Non, tout le monde touche à mes boutons. Il vaut mieux pas péter en moi. Si jamais je lâche, t'es mort. Ah, j'ai trouvé. Je peux t'emmener au 7e. Je peux t'emmener au 7e ciel. J'ai trouvé, ça y est. Ouais. Un ULM, un planeur. Non, moins compliqué, moins compliqué. Un ULM à 7. On l'utilise tous les jours, pratiquement. Des fois, à 18h, on est en retard à cause de lui. Le bus ? On n'a pas de bus pour descendre. Oui, mais pour lui, oui. Non. Le train ? Non. À énergie, des fois, on est en retard à cause de un lui. Un ascenseur ? Oui ! Un ascenseur ! Mais oui, évidemment, on me prend à 2, 3, 4, 5, voire plus. Ah, des fois, j'ai des pannes. Tout le monde touche à mes boutons. Il vaut mieux pas péter en moi. Bah oui, c'est toujours gênant. C'est sûr. Ah oui, celui qui... bah oui, c'est toujours gênant. Quand la porte s'ouvre, tu crois que t'es tout seul. La porte s'ouvre, t'as une belle nana qui rentre. Oh, oh c'est dommage. Si jamais je lâche, t'es mort. Ouais. Et je peux t'emmener au 7e ciel. Et non, oui. Sylvain, je ne répéterai pas ce que t'as dit, mais c'était pas une par. Sylvain, c'est la bonne réponse. Il gagne le casque Bose. Bravo, mon ami. A bientôt. Et pourtant, oui. A bientôt. Et pourtant, le casque Bose s'enfile, c'est vrai. Bisous, Sylvain. Je t'embrasse fort. Restez avec nous. Dans un instant, on finira le dossier. Vous êtes tout seul, des fois, à l'école ou dans votre vie. C'était le dossier un peu sérieux de l'émission, mais c'est important. A tout de suite pour le dernier quart d'heure. Et c'est Rico après. Tous les matins, c'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. Florian, bonjour. Salut Manu, salut les ouin-ouins. Quelle est la chose insupportable de ton partenaire ? Mon copain, il est espagnol et en fait, quand on s'engueule, il me parle en espagnol, ça me fout hors de moi parce que je comprends rien. Ah oui. Ah oui. Peut-être qu'il s'excuse et qu'il dit des mots d'amour en espagnol après. Mais oui, mais on ne sait jamais. Ah, je crois pas. Quand t'as le mot puta dans la phrase, c'est que tu t'excuses pas. Hein.

Merci de nous avoir choisis. On va se faire des bisous dans un instant. Et ça va être le Rico Show avec Emeric et toute son équipe. On a passé une belle émission. Hein. C'était cool. Ouais. On a été. C'était une bonne journée. Bordas est heureux. Bordas, c'est celui qui nous fait les réseaux sociaux. Alors oui. Je vais lui rendre hommage parce que le hashtag est arrivé première position. TT France, bravo. La vidéo que l'on a mis hier de Koé qui se fait défoncer la gueule dans la rue avant de se faire dévorer par des loups vivants dimanche, puisque j'ai l'impression que plus j'ai mal, plus ça vous plaît. Et cinquième position des tendances en France. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Y a... Et si, tout a cartonné aujourd'hui. Il y a plein de vidéos sur Facebook qui cartonnent, il y a la vidéo de la punchline. Et tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que t'es drôle. Non. Parce que ce matin, t'es allé faire caca pendant la réunion. Et ça, c'est important. Ouais. Et ça, c'est important. Pendant 25 minutes. Je vais quand même vous raconter les coulisses de cette émission. À 10h, à 11h, je fais une réunion avec toute l'équipe. À 11h15. Oui, bon, ça va. Et tout le monde est là, et tout le monde est en rire, et on échange des trucs et tout. Et à un moment donné, je fais pas attention, mais je le vois plus. Et puis je le vois revenir, mais genre 20 minutes après. Tranquille. Arrête, tranquille. Et je lui dis, mais me dis pas que t'étais parti faire bobo. Il me regarde, je dis, bah si, pourquoi? Normal. Et tu sais, genre le gars qui a pris du temps, hein. Il a fait son truc. La réu était finie. Il a regardé ses messages, un petit coup de Candy Crush. Pas du tout. Bah alors, c'est que t'es malade, alors, mec, parce que 20 minutes, si t'as pas passé de temps sur ton téléphone, va voir un médecin. 20 minutes, qui 20 minutes. Si, t'étais super long. Ah, quelle rigolade. Et bah, tu sais quoi? Bravo, parce que tout a bien marché. Voilà. Fais ça tous les matins. Quel bravo. Voilà. Ah, gênance. Bon, on va faire un bisou à Fabio. On va terminer par Fabio d'Avignon. Ça va, Fabio? Ça va et vous? Oui, mon ami, on finit par toi. On parlait. Alors, c'était notre grand sujet au début pour faire plaisir au fils de Stouff, pour voir, pour prendre des nouvelles, qui n'avait pas de copains à l'école. Mais finalement, ça va mieux. Il s'est fait 3 copains. Voilà, c'est bien. J'en saurai plus tout à l'heure. Non, mais c'est bien, on est content. Tu vois, on s'est occupé de lui. Maintenant, on est heureux. Alors, et toi, Fabio? Eh ben moi c'est ma fille là qui vient de rentrer donc en CP. Je croyais que t'allais me dire c'est moi, bah c'est moi la machine à café, personne ne me parle, je m'intègre voilà, pas. Je rigole. Et ta fille en CP, quel est le problème? Eh ben pareil, elle est toute seule dans son coin, quoi. Elle est timide de base, donc forcément c'est pas évident. Puis bon, elle est peut-être pas tombée dans une classe ou une école où les enfants sont avenants, donc elle est un peu toute seule dans son coin. Donc là après j'ai trouvé peut-être une solution aussi. Je vais l'inscrire au basket pour faire un sport collectif. Ça peut être une bonne solution. Mais parce que quoi, dans sa classe ils sont pas... Je sais pas, ils sont pas... Donc il y en a beaucoup qui étaient ensemble l'année dernière parce que là on a changé d'école. Ils ont pas l'air sympas, donc, ils sont pas sympas, ils font la gueule. C'est ça, il faut c'est le collège Michel Sardou, ça. C'est le collège Michel Sardou, tu fais la gueule comme le chanteur. T'arrives, tu fais la gueule comme ça, tu dois faire la gueule. Ah, j'étais au lycée Alain Juppé, moi. Eh ben, tu sais quoi, lycée Alain Juppé, tu souris, on dit dehors. T'es viré. Mais non, mais j'ai souri dehors, dégage. Tu dois être chauve à 7 ans. Si t'as des cheveux, t'es dehors. C'est les critères. Sinon, tu rentres pas. Bon, et tu vas l'inscrire au sport collectif. Bonne idée, mon Fabio. C'est ça, oui, je pense. Oui, c'est ça, ça peut être une bonne idée parce que le sport à la base réunit pas mal de personnes. Et puis, bon, forcément, le sport collectif, partager. Le sport avec ses camarades, ça peut être une bonne idée. Très bien. Le sport collectif, pour ça, c'est bien. Le théâtre aussi. Oui. Le théâtre, si vous êtes un peu timide, d'abord parce que ça aide à lutter contre la timidité et ça vous permet de rencontrer des gens qui, des fois, sont un peu comme vous, sont un peu timides. Vous savez qu'il y a plein de gens timides dans les comédiens et dans les gens qui sont sur scène ou même nous. Nico, t'es timide? Dans la vie, je suis super timide. Ah ouais, avec les filles et tout. Bah, moi aussi, je suis super timide. Hier, j'ai mangé avec Mico, on s'est pas parlé, on était timides tous les deux. Dos à dos. Il a regardé mes coquillettes, je me suis retourné de côté. J'ai dit, bon. Ouais, t'es un peu gêné. Hein. Non, mais voilà, donc des fois. T'es en hélicoptère, donc, Fabio. Il y a une bombe là qui va exploser. Fabio, hein. où tu viens de monter une bombe artisanale ou tu es en hélicoptère? Est-ce qu'on peut connaître la fin? Alors, le fil vert. C'est quoi ce bruit? Je suis à côté du studio, j'arrive là. C'est quoi ce bruit? Non, je suis conducteur routier, je suis en train de rouler. D'accord, ok, très bien. Bizarre clignotant. Je te fais un gros bisou, Fabio, et t'embrasse ta fille pour nous, d'accord? Allez, merci, bisous l'équipe. À bientôt, mon gros bisou à toi. Demain, on aura notre invité David Guetta qui sera là demain. Ah, il va y avoir de l'ambiance là. Ah, hey. Demain, je vous l'ai dit, je veux qu'on transforme ce studio. Ils sont pas en rythme là. En gigue, vous êtes pourris, vous n'êtes pas là demain. Parce que demain, si David Guetta vous entend taper... Non, vous venez pas demain, certainement pas. Tu tapes comme une merde, tu viens chez toi demain. Jamais de la vie, le mec, il est à côté comme ça. On dirait un Gypsy King sous alcool. Il est comme ça, il dit, si, je vais venir voir David Guetta. Si, je vais vous faire changer de métier. Non, jamais de la vie, vous êtes fous. Vous désynchronisez un DJ, c'est sa carrière qui est en jeu. Demain, donc, David Guetta. Demain, discothèque, alors. Mère, comment? T'es en train de dire que tu voulais discothèque, les gars. Pierre, toute l'équipe, je ne sais pas ton nom. Demain. Demain, vous me trouvez, vous mettez des stagiaires tous les ans, j'ai à peine le temps de m'y faire, ils sont déjà partis. Donc demain, Je veux. Non, c'est horrible. Plaisante, Lucas. Ah, ouais, il sait. Demain, vous me mettez des jeux de lumière partout et tout, ouais. Machin. Je veux. Hein, hein? Faut que. Ah, ça sera Ibiza demain. Il faut. Hey, voilà, voilà. Demain, c'est Ibiza. VG Dream mercredi. Kenji, ce sera joli. C'est joli, c'est joli. Avec concert privé dans le hall, comment ça se passe tout? C'est pour tous les gens qui peuvent pas venir dans le studio. Tout à fait, à ils viennent fin, devant Énergie. Les gens du studio remontent là-haut et ceux qui sont dans la rue rentrent. On les fait rentrer. Voilà. C'est bien, j'ai oublié quelque chose? Vendredi? Vendredi? Attention! Gold! Les Black Eyed Peas! Vendredi sera notre invité. C'est vrai que maintenant que j'ai le droit de le dire, je le dis plus. C'est ça. Ils seront nos invités vendredi. On vous souhaite une belle soirée les amis, ça va être magique. Je voulais terminer en rappelant la crêperie qu'on a eu tout à l'heure au téléphone qui nous a dit hey, ça va les gamins, j'ai pas que ça à faire. Le mot de la fin et puis on vous laisse avec toute l'équipe du Rico Show. J'espère qu'ils ont pu nettoyer là-haut. On a mis un bordel vendredi. Il doit y avoir encore des confettis dans tous les coins. Non, ça a dû être nettoyé. Non, c'est nettoyé, oui. Bravo, je sais pas qui l'a fait. C'est nous qui l'avons fait, c'est eux. C'est eux. Oh les pauvres. Sympa. On s'est proposé mais ils nous ont dit non. Oh là, oh, ils sont trop gentils. Ouais, t'as vu, j'ai fait une couche comme ça. Attention, nous étions les enfants qui avions cambriolé. Allô? La gavotte, bonsoir. Oui, bonjour, c'est la crêperie? Ah, voilà, tiens, Yoël. Madame, allô? Allô? Oui, bonjour. Oui. On vous a appelé, on a eu la charmante dame tout à l'heure. C'était pour dire au revoir parce qu'elle a été un peu désagréable. Bah, toi aussi, t'es son mari. Vous êtes en couple, là. C'est de famille. Eh bien, c'est de famille. Bon, alors, allez, n'hésitez pas, allez à la crêperie, ça me saoule, puisque dès que ça les saoule, ils raccrochent. On vous donnera l'adresse, c'est à Rennes, une très très bonne adresse. Très sympa. Qu'est-ce que vous prenez à manger? Je prends une rogue, mon gars. Hop, je te jette à la gueule. Encore quelqu'un qui veut une crêpe, oh, elle est pénible. On vous laisse avec Rico. T'es là-haut, mon ami? Yes, yeah, ça va. Cool. Tout va bien. Et ça a pas été trop galère à nettoyer, vraiment? Écoute, facile d'un stagiaire à l'autre, on s'en est sorti. C'est bien, c'est comme ça que ça va. Je rigole. On se l'est tapé, évidemment, mais tu sais, c'est sympa. Quand c'est la fête, les confettis, on adore. Ouais, mais vous aviez aspirateur, vous aviez tout? Alors, le même aspirateur que ton stagiaire n'arrivait pas à faire fonctionner. Ah ouais. Non, parce que quand j'ai vu la couche de bordel et qu'on est parti lâchement, hein, je vais être honnête. Hein. Attends. Mais bon. Bon, c'était les gars, un bonheur de vous voir, merci. Et ben, je vous fais un gros bisou, passez merci une belle émission, copains. D'accord? Bise, bisous. On embrasse tout le monde, on revient demain. Merci au public, merci à vous tous. À demain, 17h. Koé revient demain sur Énergie. Salut. Salut à tous, je m'appelle Aymeric Bonnery, mon surnom c'est Rico et vous venez d'atterrir dans le Rico Show. Ça y est, c'est reparti pour une nouvelle saison à vos côtés. Et on va pas vous lâcher. Chaque soir, c'est le Rico Show avec Aymeric Bonnery. 20h, 23h sur Énergie. Yes! Tellement content de vous retrouver pour une nouvelle semaine du lundi au vendredi, 20h, 23h. Eh, les journées sont de plus en plus chiantes. Hein. Ah ouais. Je sais pas vous, mais on est bien dans la rentrée. Les bouchons partout, les angoisses, les coups de fil à 8h30 pour les trucs stressants. Ça y est, on y est. C'est bien, la rentrée, c'est la rentrée. Les vacances sont déjà loin. Alors ici, le seul mot d'ordre, ce sera la vanne, la rigolade, oui. S'amuser ensemble. 0800 70 42 48. On se fera les proverbes, gaulerie. On a tous des petits proverbes à soi qui sont hyper marrants. Et puis on parlera des pousses au crime. On a tous des petites choses qui nous poussent au crime. Oula. Le voisin qui gueule. On a la petite friandise. Le petit éclair au chocolat alors que t'es au régime. On a la petite fringue qui est pas soldée alors que t'as pas un rond, ouais. Ça te pousse au crime, ça te pousse à faire la connerie. On en parle ensemble, hashtag Rico sur Énergie aussi. On vous attend les copains. Il y aura les news, les canulars, les interros. Bref, 3 heures de kiff, de délire et de détente, de la bonne zik. Alvaro Soler, Dadju, Ariana Grande. On se mettra pour oublier. Ils sont là, ils sont beaux, ils sont frais. Comment elle va la Sarah? Bonsoir à tous, je suis belle, je suis fraîche. Ah oui. Merci. Oh, surtout qu'on n'a pas éclairé le studio. Ça va Sarah? Bah, au top du top. En bonne forme. Au taquet. Ça va avec ton mec? Bah ouais, tout va bien avec mon mec. J'ai passé le week-end avec mon fils, pas avec mon mec. D'accord. À faire l'hypocrite dans les parcs, tu sais, à faire la mère modèle. Avec ton fils, avec ton mec, il ne se passe rien quoi qu'il arrive. Voilà. Ça va mon tombeur? Eh ben écoute, en pleine forme, hein. Aujourd'hui, on va tenter de deviner qui est ta mère. Oh là là. Ça va s'appeler qui est la daronne de Sylvain. Ouais, ouais. Il y aura deux meufs qui vont se présenter d'un certain âge, d'accord? Parce que le monsieur a déjà bientôt 40 ans, autant vous dire. Et il y en a qu'une qui est la vraie Monique Potard. Mais non. D'accord? Donc la mère de Sylvain, à vous de savoir qui est sa rhum. Ouais. On va lui poser des questions, genre quelle a été votre plus grosse honte, genre quelle a été la première meuf qu'il vous a présentée. Et en fonction de ça, on devinera qui est la maman de Sylvain. Je peux vous dire qu'on va se marrer vu le personnage. Hein. Il est là, lui, ça fait 7 ans qu'il fait de la radio, il a pas bougé d'ailleurs. Hein. Il a encore les toiles d'araignée. Ça va, mon GM? Ça va au top, la France, elle a gagné, on est toujours champion du monde. Je suis content, belle semaine. C'est vrai, je sais qui est ton papa. C'est vrai. Puisqu'on a pu discuter ensemble avec son père. Ah ouais. Et c'est les mêmes. Ah ouais. Ah, c'est les mêmes. Il y a quelque chose dans le nez, dans la stature, c'est les mêmes, c'est la famille Nichagnan. D'accord, beau gosse ou pas? Beau gosse, beau gosse, beau gosse. Je suis frère. Tu sais, c'est le genre de gars, il te dit qu'il est maire d'une ville, tu dis pourquoi pas. C'est vrai. Le gars, il met le costume, tu vois, il a un charisme. Faire gaffe, il y a beaucoup d'imposteurs comme ça. N'est-ce pas, monsieur Nichagnan? Évidemment, je suis là. Notez, Nichagnan. Voilà. C'est vrai, il y a des gars, ils mettent un costume, demain, tu leur prêtes un million d'euros. C'est vrai. Les gars, ils se transforment, ils ont des têtes comme ça, il faut ça. C'est lui, vrai. Ça lui arrivera pas, hein, mon Sylvain. Bah non, c'est clair, moi, je connais pas ça. On va parler des proverbes qui fait confiance. Oula. À son Nunus, hein, c'est celui qui a mangé une noix de coco. Voilà. Hein, on remettra tout ça à l'endroit, on vous explique tout ça. Tous les proverbes gauleries arrivent. Il y a aussi le sommeil est un crédit qu'il faut rembourser à un moment ou un autre. Oh. Ah oui, je vous le dis. Ah, je vous le dis, je le paye. Hein. On le paye tous les lundis. Oh là là. Ah ben ça, tu comprends pourquoi il fallait se coucher tôt, même le week-end. On est là jusqu'à 23h dans la bonne humeur. Je vous kiffe. Destaca cuando anda, va causando impresión. Cada día cuando levanta, brilla como el sol. Su vestido de seda calienta mi corazón, como en una novela en la televisión. Me acerco a ti, bailemos, juguemos. Acércate, porque mi cintura necesita tu ayuda. No lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Creo que mi cintura choca con mi cultura. Tropiezo con la arena, ya no me puedo controlar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando que estoy bailando, bailando, y así hasta el amanecer. Porque mi cintura necesita tu ayuda. No lo tengo en las venas, voy a aprender a controlar mi cintura, cintura. Porque no bajamos a la playa para así practicar pronto por la mañana y así no hay nadie más. Cuando bailo contigo, tu cuerpo me da calor. Si te besito, mi fruta de la pasión. Me acerco a ti, bailemos, juguemos. Necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando que estoy bailando, bailando, y así hasta el amanecer. Porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas, voy a aprender a controlar mi cintura, cintura. Ven hacia mí como las olas del mar. Ven hacia mí, que ya no puedo parar.